Vous vous trouviez actuellement avec Carmino Ferro, puisque vous recherchiez Nicolas, son inférieur hiérarchique, et vous étiez tombé sur une horde de clanistes appartenant au clan du Cafard. Le clan du Cafard, pour rappel, c'est ceux qui en fait, se sont soulevés au niveau de la Borka qui tente de prendre possession du protectorat. Ils sont donc les ennemis globalement des juges et aussi de tout le reste des cultes. Ouais, c'est des barbares. CD? Des barbares. Ouais, c'est ça, globalement. Et vous les aviez affrontés, vous les aviez affrontés et vaincus. Hein. C'en était arrêté là. Oui, et j'ai eu encore Bobo. Oui, tu t'es refait Bobo. Mais depuis, tu te sens étonnamment plus fort parce que ce qui ne te tue pas Te rend plus fort. te Te rend le plus fort. valeur. Vous vous trouvez donc actuellement au milieu de ces ruines, en plein milieu du désert de poussière rouge. Vous avez les cadavres des 5-6 mecs que vous avez défoncés juste avant qui traînent au sol complètement ensanglantés. Pour rappel, Carmino Ferro, qui s'était battu lui de son côté, avait gardé le sien en vie. Vous voyez, il l'a attaché au niveau d'une espèce de poutre qui traînait sur le bord d'un mur. Et puis il se relève et vous regarde. C'est bon, vous allez bien? Ça va, ça va. Ça va. Oh, bah, évidemment. Au moment où j'étais blessé. Je sais plus exactement où j'ai eu la blessure, mais c'était au niveau du ventre, non? De souvenir, c'était au niveau du ventre, oui. Ouais, Mais bon, c'était pas alors. quelque chose de bien grave, hein, Oui, justement. clairement. Mais c'est un instant. C'est un truc qui va guérir en quelques jours, quoi. Bon, ben, on n'aura pas d'enfant. Oh, tu crois? Bon, allez, allons fouiller ces ruines. Avec un peu de chance, on y trouvera Nicolas en vie. Les ruines, hein, c'est vraiment des petites ruines. Hein, c'est le truc, c'est trois pâtés de maison, quoi, même pas. Sachant que les toits ont tous été arrachés avec le temps. Donc on se retrouve juste avec des tapis. Vous commencez à traverser les ruines avec l'espoir justement d'y retrouver Nicolas. Globalement, vous passez au niveau de leur camp, vous voyez un vieux feu qui a dû être allumé la nuit dernière. De la nourriture qui traîne à droite à gauche, des espèces de sacs de couchage ou de tentes vraiment de luxe, hein, des trucs vraiment très basiques qui ont été installés. Ok. Vous vous déplacez sur les côtés, vous voyez rien, des vêtements, des fringues, des ossements. Rien qui pourrait vous faire penser à plus ou moins hospitalier. Faites-moi tout de même chacun un jet d'instinct perception. Oui, monsieur. Instinct perception. Ça, avec une difficulté de 3. Ça me fait 3, ça me fait 4 dés à jeter. Je vous rappelle, une réussite est comptée pour un 4, 5 ou un 6. Bien. Oh putain! Et heureusement que c'est sur perception. Heureusement que c'est sur perception. Je viens. Alors, un truc de fou. Je viens de faire 4, 1. 4-1 sur 4D. Sur 4D. Alors, vous voyez Torik qui devient aveugle. Non, étant donné que c'est un test, on va dire, passif, on va juste partir du principe que ton personnage est complètement à l'ouest. Mais en effet, t'aurais fait ça en combat. 4-1, c'est ce qu'on appelle un échec critique. Là. Et là, c'était pas un échec critique, c'était un échec maxi critique. Là, c'était... Hey, mais c'est sincèrement, en combat, tu perds un bras. J'ai déjà vu les 2-1, je dis non. Et quand j'ai un requête de 2 derrière qui arrive derrière, en fait. Bon, allez. Ok, très bien. Abîme, au cas où vous voyez Torik qui commence à patrouiller à droite à gauche au niveau du camp et à chercher Nicolas. Il l'appelle. Et puis, il fout ses pieds en plein milieu du feu de camp. Il avait même pas vu qu'il était là. Il commence du coup à salir complètement le bas de ses bottes. Alors vous, ça vous fait marrer forcément. Et au moment où vous commencez à l'avertir, vous remarquez que finalement, en fait, il a pas déterré, mais au milieu des cendres, en shootant dedans, il y a comme quelque chose. Torik, à tes pieds! Hein? Quoi? Toi, tu te baisses. Et tu vois, en effet, déjà que t'avais foutu tes pieds en plein milieu d'un tas de cendres, t'as sali ta super tenue d'hospitalier qui était propre comme un... Oh non! Comme jamais. Tu vas faire encore une dépression. Ah non, mais là, je suis dégoûté. Ouais. Je serais méchant, je te ferais perdre un point d'ego. Bon, maintenant, c'est... Et là, non, et en effet, tu remarques un petit objet qui semble traîner mieux, comme si on avait essayé de faire brûler quelque chose. Bah du coup, je me baisse et je le ramasse. Ok, tu te baisses, tu le ramasses. Tu retires un petit peu la cendre qui était dessus. Et tu vois les restes d'un masque à gaz. Oh! Ah merde. Ça arrive. Et donc les autres ils ont vu ou c'est à moi de leur dire? Oui, bah tu viens de leur sortir, donc j'imagine que les autres vous êtes venus à ce moment-là. Je leur montre de loin comme ça. Les gaz, c'est un masque à gaz. Masque à gaz, évidemment, c'est typiquement l'équipement que pourrait porter un membre du hôpital. On avait compris, t'inquiète pas. Voilà. Je précise quand même au cas où. T'as fait pas à force, on s'y habitue. Ça sent pas bon. Donc je précise également que vu que ça pourrait appartenir d'un membre d'hôpital, vous pouvez en déduire que ça pourrait appartenir. Non. C'est incroyable. Je précise que ça pourrait être lié au claniste qui était qui habitait ces ruines. Voilà. Maintenant qu'on est sur de bonnes bases, vous avez Kermino qui se joint à vous et notamment à toi, Torik. Oui. Bon, je pense savoir où est Nicolas. Comme ça, d'un coup. C'est pas bon. Juste en ayant, en trouvant son masque à gaz, vous savez. Il est mort. Hein. Ouais, et je sais où est son cadavre. Ah, son cadavre. Enfin, j'ai une hypothèse. Ça me paraissait assez improbable sur le coup, mais. Écoutez, il y a quand même Allons-y. Suivez-moi. Vous voyez, il vous reconduit de l'autre côté des ruines. Ouais, ça me semble quand même chelou cette histoire. Là où il avait accroché le claniste. C'était lui. Il sort de sa trousse de médecin un scalpel. Ah. Vous voyez qu'il faut que vous m'aidiez. On va proposer. Ouais. Inciser cet homme au niveau des bras. Quoi ? L'inciser, on va pas lui couper, on est bien d'accord. Que voulez-vous faire exactement ? Je veux inspecter son sang. D'accord, pas de soucis. Okay. Tu t'approches, et c'est vrai d'ailleurs, ça vous avait déjà plus ou moins choqué durant le combat, et là d'autant plus, mais l'ennemi, donc il s'est quand même bien fait défoncer, ça veut dire qu'un dilacérateur, c'est quand même une espèce de grande lance. Et c'est relativement coupant. Et bien l'ennemi qui est là devant vous a pas spécialement l'air dans le mal au final, alors qu'il il saigne quand même à plusieurs endroits. Toi tu t'approches de lui et tu vas m'effectuer un test d'intellect médecine. Alors... Ouais. Je te conseille de jeter d'autres dés. Non, mais de toute façon j'en ai que deux, donc comme ça c'est arrivé. Donc intellect Et même si on fait 6, si je fais 6, 1, alors là. Il est toujours des 5. C'est 2, hein, seulement. Enfin, 2, 2, je veux dire, seulement. C'est vraiment un test basique. Et ben, je ne fais aucune. Aucune. Je vais les jeter, je crois. Aucune réussite. Aucune réussite et 2, 1. Aucune réussite et 2-1. Et 2-1, oui. Alors, mais déjà, tu as un mauvais karma. Non, mais c'est un truc de fou, alors. Hein, je... En 6D. Tu sais quoi, c'est, pour moi, c'est ma vengeance de les deux dernières sessions de Star Wars. Voilà. Oui, c'est pour, moi. Ensuite, pour rien, moi. C'est le au karma. Au moment où tu t'approches du clanisme, donc tu commences à précéder la scission. Et t'avais pas remarqué, mais tu t'étais toi-même blessé durant le combat. Okay. Au niveau du bras. C'est rien de bien méchant. Par contre, tu sais pas comment tu fais, mais tu t'y prends extrêmement mal. Ça veut dire que t'avais déjà fait ça auparavant, mais je sais pas, là, alors que pourtant, c'est peut-être lié au fait que la cible ne soit pas anesthésiée. Mais un coup de bras, et son sang commence à couler sur toi. Tu t'en fous partout. Oh merde. Il va tomber malade. Ce qui en effet commence à poser problème, c'est que tu remarques que le sang du claniste est rempli de ténia. Un ténia, normalement, un ténia, c'est en fait c'est un ver, enfin globalement un ver solitaire. Là je suis mal parce que si ça se mélange à ma blessure, là ça va faire mal. Ah bah, j'ai envie de vomir. Carmino d'un coup qui te chope par l'épaule, qui te recule. Il fait mais comment, mais putain, mais malheureux, mais. Écartez-vous de là. Il sort sa trousse. Bon, attendez. Oh, incapable. Il sort sa trousse, il commence à sortir des bandages, des conneries et à s'approcher de toi. Il a bien vu que t'avais fait n'importe quoi. Mmh. Et. Je regarde combien est-ce qu'il est en médecine. Alors, il a 9 dés en médecine. Je vais partir du principe qu'il faut 4 réussites pour que tu aies aucune conséquence sur le long terme. Et vous savez quoi? Vous avez chacun me lancer 3 dés pour Carmino. Ça sera plus rigolo que si je le fais moi-même. Ok. Et vous me donnez le résultat. Moi, faut que je lance 3 dés, t'es sûr? Ouais. C'est... J'ai secoué à fond, t'inquiète. Ok, donc déjà ça commence bien. Donc, ouais. Allez, si tu fais une réussite, c'est bon. Mais non, j'en ai pas. Mais donc, putain, mais arrête, change de dé. Change de dé. J'ai que ça. Monsieur MJ, j'ai fait un déclencheur, est-ce que ça compense? T'as fait un déclencheur? Oui. Note-le quand même, ouais. Notez-le dans le chat, comme ça. Ouais, je note tout dans le chat depuis tout à l'heure. Très bien. Moi, oui, en effet, ouais. Oui, autant pour moi, j'avais pas redescendu. Bah moi, j'ai rien à noter, donc attends, qu'est-ce que je te dis? Et toi, t'en as 0, donc on se retrouve avec seulement 3 déclencheurs. Il y a 3 réussites, ok. Oui, 3 réussites, un déclencheur, donc ça compense un peu, s'il vous plaît. Tu fais pas on va faire ça avec un... Je vais lancer 2 dés secrets qui pourront potentiellement améliorer la situation. Il va rien demander là. Ouais. Mais ça, je vous le dis pas. Il va tellement mais tomber ultra malade, on va perdre. C'est con que ce soit l'hospitalier qui tombe malade, j'ai envie de dire. Bon, du coup, ouais, je sais à quoi on a affaire. Et je sais où est Nicolas. Dans son bide. Hein. Exactement. Oh, ce que vous voyez là, enfin, messieurs, mesdames, ce que vous voyez là, c'est. Il ne s'agit pas, comme nous pensions, de membres du clan du cafard, mais de nécrovores. C'est la première fois que j'en vois aussi loin de la Franca. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils justement, ils ont été contaminés par une espèce de ver à la con. Et que pour eux, toute sensation de douleur se transforme en sensation de faim. Ah. Vous pouvez voir à la taille de l'œil, enfin de la rétine, et vous voyez justement qui place ses deux doigts au niveau de l'œil du gars et qui en fait ouvre les paupières bien grand. Et vous voyez en effet, je sais plus comment on appelle ça, oui, la pupille intérieure complètement dilatée. Ok. Voilà, donc il y a de fortes chances qu'en effet, ils aient dévoré cet incapable de Nicolas. Moi, vous me voyez, je suis un peu perdu, je suis un peu la tête en l'air, ouais, en train triste. De me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? De ton côté, que théorique, il faudra que tu te rendes à l'hôpital le plus vite possible. De temps en temps, oui, de manière régulière pour vérifier, parce que c'est extrêmement contagieux. Normalement, ça se transmet plutôt par l'eau. Mais bon, on sait jamais. Vous voyez un verre d'eau, les filles. STFU. Ça ira, merci. Non, de base, le virus avait contaminé les rivières, c'est pour ça que les clans avaient tous commencé à le choper. Oui, par contre, on a un sérieux souci, c'est que... Bon, on a éliminé tous ceux qui étaient présents. Ils ont pas pour habitude d'être très organisés, donc je pense pas qu'il y en ait d'autres, mais... si eux sont montés jusque-là, il y en a peut-être d'autres groupes plus isolés qui également se sont rendus en Franca. Il faudrait qu'on en fasse part au hôpital, le plus vite possible. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que j'ai pas le temps de retourner jusque là-bas. Moi, il faut absolument que je me rende à Lucatore. Ouais. Écoutez, nous, on peut s'en occuper. Puis ouais. C'est à Tori qu'on a besoin. Oui. Ouais. Oui, maintenant, les premiers symptômes, dans tous les cas, seront visibles s'il y en a seulement d'ici une semaine. J'essaie de faire de mon mieux, normalement, ça devrait aller. Ce que vous allez faire avant, parce que sinon vous allez mettre trop de temps d'y aller à pied, c'est que vous allez vous rendre à Carf, c'est juste à côté d'ici, et vous allez voir un... En fait, à Carf, c'est une espèce de grand marché. Il y a notamment la boutique qui est tenue par un ferrailleur qui est un ami à moi qui s'appelle Edward. Faut que vous alliez le voir et en fait, il aura une radio. Je sais que normalement pour contacter d'autres groupes, on passe par les chroniqueurs. Mais il se trouve qu'ils n'ont aucune alcove là-bas. Puisque c'est une ville qui est possédée par les anabaptistes. Donc vous allez aller le voir et vous allez lui demander de faire passer un message hospital. Je vais vous dire ce qu'il faut dire globalement, ce sera... je vais vous noter ça quelque part. Vous voyez qu'il sort de sa trousse de quoi noter. Ouais, il suffit de dire qu'il y a 2-3 villages à brûler. Moko, je reviens à l'attaque. Moi, je ne relève pas. Genre, je même pas roulement de yeux ou quoi, je fais genre, j'ai rien entendu. Je vois lui qui, alors qu'il est en train d'écrire, relève la tête et remet juste ses lunettes en place. En regardant Moko, puis... continue d'écrire ce qu'il est en train d'écrire. Écoutez, faudrait juste qu'on évite qu'une épidémie... Enfin, vous comprenez les risques, j'imagine. Oui, oui. Puis Tori sera bien placé pour nous expliquer l'origine d'une épidémie, tout ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, quand il aura fini de s'inquiéter pour lui-même. Ouais. Il va être parano pendant une semaine. C'est gentil, hein. Je pense que là, pour l'année qui suit, on... Non mais écoutez, de toute façon, c'est simple. Une fois par jour, vous demandez à l'une de vos copines là, foutre un bon coup de poing dans le bide. Si ça vous donne faim, c'est mauvais signe. Pas si de vous façon. Avez mal, on fera ça avec plaisir pour toi. Vrai, merci, c'est trop sympa. Vous faites ça matin, midi et soir. Pendant une semaine. C'est passé de une fois par jour, un matin, midi et soir, trois fois. Voilà, vous me voyez. C'est plus que vous me voyez pensif, vous me voyez avec une goutte de sueur sur le front. Maintenant, si jamais ça fait pas effet, il faudra faire des essais avec des battes de baseball. Puis. Oui, il y a l'épée de Mokosh. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. C'est vrai qu'on pourrait essayer de vous couper un doigt, mais. Putain, le pire. On va se calmer, hein. On va. Ouais. Hein. Non, plus sérieusement. Normalement, ça se contamine pas par le sang. Ouais. Évitez juste de boire aux rivières dans le coin, on sait jamais. C'est noté. Bon, allez, sur ce, j'ai pris suffisamment de retard à cause de l'autre là. J'aurais pu me barrer dès le début finalement. Donc n'oublie pas, Edward le ferrailleur à Carf. Il tient une boutique, hein, elle est pas dure à trouver, ils vendent des objets complètement hors de prix. Et puis, bon, bah, dites au spécial que vous venez de ma part, et puis la prochaine fois que vous vous y rendrez, je sais pas, ils auront peut-être un truc pour vous dédommager. Ça marche. Moi, j'ai besoin de mon argent si jamais je croise un groupe d'Helvétique. Il faudrait bien que je les paye. Bon, allez. Vous, ça va, la blessure? Tu vois, il te regarde, toi, Abby. Ça peut aller. Enfin, je sais pas si vous êtes capable de rafistoler un petit peu. J'ai pas confiance en notre médecin actuel. Étrangement. Laissez-moi voir ça. Oh, c'est gentil. J'ai pas confiance en moi non plus. Tu vois. Je tiens à préciser que normalement, il n'y a pas le droit de soigner une blessure plusieurs fois après un combat. Mais là, étant donné qu'il s'agit d'un médecin différent et pas l'un des moindres, hein, c'est quand même un très très bon médecin. Et puis même, genre, au pire, genre... Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas grave. Oh, c'est... Putain, je sais pas si vous vous rappelez quand on parlait de GDRP. C'est-à-dire que Théorique nous a fait que des 1. Je peux vous prendre une photo, je vous jure. Sur 6D, je n'ai fait que des réussites. Il faut que j'en jette encore 3. Alors, aucun déclencheur. Mais ouais. Tu peux pas en regarder pour moi? Je suis encore à faire un échange de dés. C'est comme s'il avait un peu de rap en disant attends, laisse-moi regarder. Ah, si, bah en fait, c'est bon, c'est pas trop bien. Je l'ai enregistré 3 et putain, j'ai fait 2, 5 et 1, dommage. Ah, tu t'en fiches, hein, ça fait quoi? Ouais, c'est ça. Bon, globalement, tu vois, l'expert qui inspecte Abby et en effet. Bon, il a le matériel aussi, mais il s'y prend beaucoup mieux que Toric. Hein. Tu vois qu'il a de la bouteille, celui-là. Et du coup, tu vas pouvoir me soigner une blessure. Bah, je vais retirer sur cool. Le message. Alors, en fait, je vais le republier juste en dessous. Comme ça, nous, on évolue. C'est ça. Je vais comprendre des petites notes. Et ça, je retire une blessure superficielle. Et vu qu'il n'y a aucun déclencheur, t'en tires qu'une par contre. Ça, c'est dommage. Mais bon. Non, mais c'est pas, enfin, genre, moi ça. Enfin, c'est vu ça, que j'ai déjà eu un soin de Toric, je trouve ça normal non plus que je sois pas soigné de 20 trucs. Ensuite, vous voyez qui, sans aucun scrupule, sort de sa besace quelques rations, il vous en distribue et puis il commence à manger aussi de son côté. Il s'assoit sur une pierre qui traînait, genre en plein milieu du sang goulinant au sol, quoi. Et puis il commence à manger. Mais rapidement. Écoute, ensuite, il vous salue et puis. Bon, bah, si vous avez pas besoin de moi pour quoi que ce soit d'autre, vous avez aucune question à me poser, je vais y aller. J'ai déjà 2 jours de retard. Non, allez-y. Très bien. Mais écoutez, à la prochaine. Oui. Vous manquerez en tant que bon médecin. Ouais, bonne chance. À la prochaine. Vous voyez sa silhouette qui disparaît au loin. Ça y est, c'est rapide. Moi, j'imagine que là votre objectif du coup est de suivre ce qu'il vous a dit, de vous rendre à CAF pour contacter Edward. Je suis en train de me demander. Mm-hmm. On faisait ça gratuitement. Tu vois mon coach qui court. Ouais. Non, non, mais il a dit que les hospitaliers peuvent nous dédommager. Ouais, moi je pense qu'on s'est bien fait avoir. Sûrement, deux payes. Écoute, mon coach, j'ai envie de dire, on peut critiquer Toric, hein, puisque c'est lui toujours. Oh, ok, je suis pas dans un bon jour. Je me suis levé, j'avais la tête dans le cul, je sais pas pourquoi. Alors, bon. C'est vrai que Toric est potentiellement victime d'une malédiction. Et un jour sans, voilà, c'est tout. Vous voyez Toric qui, au moment de quitter les ruines, se prend le petit doigt de pied dans un caillou qui passe. Vous regagnez la route principale, hein, celle qui mène à Justicienne en soi. Vous repassez devant la Carafe et puis vous vous dirigez en direction de Carf, qui est la grande ville juste à côté. Mmh. Carf, en effet, vous savez que c'est une ville qui est sous domination anabaptiste. Elle est notamment reliée avec un réseau d'aqueducs, ce qui est quand même une preuve de richesse. En fait, du coup, c'est assez simple de la trouver parce que vous avez juste à suivre les aqueducs. Vous croisez aussi pas mal de champs et de moulins. Aux alentours d'une forêt, vous voyez des ascètes anabaptistes. qui sont en fait l'inverse opposé des orgastiques, dont fait partie Mokosh, qui eux sont plus là à s'occuper des terres et puis à fabriquer des herbes médicinales et les fameuses huiles élyséennes, qui ont pour propriété c'est, de... C'est ceux qui sont gentils, c'est ça? Enfin, ceux qui sont tout sages. C'est ça, c'est ceux qui sont plus, on va dire, dans le... Toi, t'es plus dans l'idée de détruire le démiurge, le mal, lorsqu'il est là, alors qu'eux, ils sont plus dans l'idée d'améliorer... Ouais, je vois. Voilà, quoi, de s'occuper des terres... tout ça, quoi. Ouais. Donc, voilà, vous longez la grande route, et puis au final, vous voyez la grande forteresse, enfin, la grande ville de Carf qui apparaît au loin. C'est une ville, là, vraiment, avec une allure très médiévale. C'est-à-dire que vous avez des murailles qui l'entourent, vous avez un fort. Abby et Mokosh, d'ailleurs, vous êtes déjà allé plusieurs fois dans cette ville, hein, ça vous est déjà arrivé, vous n'êtes jamais vraiment attardé, mais vous connaissez un petit peu le coin. Au niveau de la porte de principale, vous passez par un pont-levis. C'est vraiment presque le cliché justement, d'une ville médiévale. Même s'il n'y a pas vraiment de douve en dessous, mais c'est... il a le mérite d'exister. Il est gardé par des anabaptistes, des orgastiques cette fois-ci, qui vous laissent rentrer sans problème en apercevant Mokosh. Oui. Nickel. Lorsque vous vous rendez à l'intérieur, en effet, vous constatez qu'il s'agit du jour du marché. Puisqu'il y a une foule assez impressionnante dans l'avenue principale, donc qui est l'avenue Bash, qui traverse l'entièreté de la ville en fait. Et vous voyez tout ce monde réuni autour de plusieurs étals qui sont là à vaquer à plusieurs occupations, notamment principalement l'achat et la revente d'objets. Ce que je vous propose, si jamais ça vous intéresse d'effectuer des achats, étant donné que vous avez de l'argent à dépenser. Après... Certains même beaucoup d'argent. Non. C'est justement de vous laisser la possibilité de faire un petit tour parmi les différents étals. Et tout décrire un petit peu ce que vous y trouvez. Moi je m'en fous, je paye ou quoi. Du coup, je me tourne vers Mokosh et Torik et je leur demande si le groupe a des besoins à compenser en ce moment ou pas. Je veux pas être malade. À part ça, Toïc. non. Niveau ration, on est bon, tout ça, on s'en fout. Niveau ration, attendez qu'en ce moment, vous n'êtes pas vraiment amené à voyager. En soi, vous n'avez pas de problème. C'est-à-dire, si vous devez manger, vous pouvez manger à la carafe. Maintenant, c'est vrai que vous pourriez... Moi, je vais peut-être aller voir... Oh, sait-on jamais, mais soit ce qui est offensif, soit plutôt défensif, avec typiquement une arme de rancune. Globalement, lorsque vous vous baladez, en fait, alors au début, tout ce qui se trouve, c'est tout ce qui est vraiment tout ce qui concerne la nourriture. Soit avec des chasseurs-cueilleurs, soit avec les fameux chemins Asset Anabaptiste. Vous passez aussi devant 2-3 stands avec des ferrailleurs, mais tu sais, justement, vu que c'est une ville sous influence anabaptiste qui a des forges, parce que c'est eux, ils sont justement, ils manient tout ce qui est épée, espadon, etc. Donc en effet, tu vas pouvoir y trouver ton bonheur. Également, par tes anciennes visites, tu sais que le réseau d'égouts de la ville a complètement été infiltré par des apocalyptiques. Oh! Il ne s'agit pas d'une nuée, on va dire, très active. Dans le sens en fait où en fait c'est presque un accord implicite qui se passe avec la surface. Ça veut dire que les gens au-dessus savent ce qui se passe en dessous et au-dessous ils savent ce qui se passe au-dessus. Mais au final les deux sont pas tant liés que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros trafic, il n'y a pas de règlement de compte. Voilà quoi, c'est quelque chose de relativement soft. En fait ça crée juste un intérêt supplémentaire à la ville. Et pour une raison obscure, les anabaptistes qui les contrôlent tolèrent ce marché souterrain. Ouais. Ouais, enfin, je voulais juste te donner l'information parce que tu. Oui, oui, non, il y a déjà rendu. Maintenant, si en effet tu veux te rendre au niveau de la forge, c'est par rapport à tout ce qui est offensif et défensif, c'est vraiment ce qui pourrait t'intéresser. Ok, bah oui, je me rends au niveau de la forge et juste comme ça par. Du coup, ce qui se passe en dessous chez Apocalyptique, c'est genre c'est ces activités, genre commerce noir, ce genre de choses, c'est ça? C'est ça, commerce, et puis il y a également tout de suite qui était rendu pour pouvoir y dormir, parce qu'il y avait justement des services d'hôtel mis à disposition. Okay. Mais oui, voilà, il y a également un petit peu de commerce, notamment de brûlure. Et puis tout ce dont tu pourras avoir besoin de type crochet. Je proposerai d'y passer à tour. Mais ouais, là tout de suite, moi je vais plutôt du côté de la farge. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement publier dans le chat un tableau récapitulatif de ce que tu peux trouver à la forge. Alors même si ça, ça pourrait, ça peut peut-être donner un peu mal à la tête vu comme ça, mais c'est. Enfin, en soi, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que t'as, pareil, typiquement au niveau des armes, elles sont triées par maniabilité, portée, dégâts, propriété, encombrement, emplacement. Les emplacements, pour l'instant, on joue pas avec, donc tu t'en fous un petit peu, et finalement le prix. Du coup, à toi de voir si tu préfères justement checker tes achats au niveau de ce qui est écrit au niveau du tableau, ou si tu veux faire ça plus, on va dire, de manière RP, en mode je suis là pour choper une épée, je chope une épée, quoi. Je vais voir. Moi, de toute façon, j'ai 800 lettres de chance, donc je peux me faire plaisir, mais après, je serai pas. Oui. Oui, sachant que vos personnages ont peuvent porter un maximum de poids. Mm-hmm. Pour l'instant, seul Toric dépasse son maximum, étant donné que tu portes 7 pour 5. Tu peux porter 5 au maximum de chemin d'objets. Moi je crois que je peux porter 4. Et tu as une totale d'encombrement due à ton à tes deux armes et à ta combinaison de 7. Ouais. Ce qui en soi ne te pose pas de soucis, sauf en fait en combat. On l'avait pas fait la dernière fois, mais c'était... ça changeait rien parce que c'était... tu avais juste sorti ton arme pour achever un ennemi. C'est-à-dire qu'en fait au début d'un combat, tu dois choisir si tu veux te battre au dilacérateur ou au fusil. Oui, voilà. C'est en fait, sinon, enfin tu pourrais te battre avec les deux, mais en fait ça te donnerait un malus de moins 2 à chacun de tes G. Mmh. L'armure, alors là c'est un peu ORP, mais oui. L'armure en jeu, du coup c'est genre quand il fait un jet de dégâts, tu retires la valeur d'armure, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que si jamais tu devais subir 6 dégâts et que ta valeur d'armure est de 2, tu subirais seulement 4 points de dégâts. Ok. Non, en fait, j'ai préféré faire des tableaux parce que c'est vrai qu'en soi, même si c'est bien de se la jouer RP, c'est plus intéressant si tu veux faire des achats, d'acheter des items qui vont t'améliorer, parce que enfin, tu peux pas savoir au RP que telle arme est meilleure que telle arme. Quoi. Écoute, moi dans la forge, je vois un magnifique manteau en cuir qui va super bien avec mon petit corset, je le prends. Non, en vrai, oui, je vais me prendre du coup un manteau en cuir. Ce qu'on peut faire également, si vous le souhaitez, c'est, étant donné qu'il y a plusieurs étals, si jamais vous voulez en visiter plusieurs, c'est simplement que je vous publie la liste de tout ce qui peut vous intéresser, et à la fin, vous décidiez... J'ai l'impression que je suis la relou dans le groupe où ils sont en mode hey, on a une mission, machin. Attendez, venez, on passe par là. Moi, j'ai une question en fait, j'ai pas envie d'acheter, mais. Pardon? Pour les boucliers. Oui. Oui. Est-ce que j'ai bien compris qu'un bouclier en plaque de métal défend moins bien qu'un bouclier en plastique? Oui. Parce que forcément, le bouclier en plastique, c'est pas du plastique en mode. C'est pas ton stack pour aller faire tes courses, quoi. Mais en tout cas, ça doit être un putain de plastique. Hein. Du coup, je. Mais oui, un bouclier en plastique défend plus qu'un bouclier en métal. Okay. Et pour le coup, les boucliers, je les sors pas de n'importe où. C'est les stats officiels dans le bouquin. Ok. Et donc, du coup, je me rajoute directement l'armure que je viens d'acheter. Très bien. C'est un manteau en cuir. C'est ça. Et du coup, tu perds 120 lettres de change. Parce que... Je viens de le faire. C'est ça. Alors, c'est quoi exactement ce truc des huiles? Les huiles, machin. Alors, les huiles élysiennes, c'est réservé au culte de Baptiste à l'achat. Ouais. En soi, rien n'empêcherait Mokosh de l'acheter et de le passer. En fait, les huiles, ça. Il y en a de plusieurs types différents, même si là, ils en proposent qu'une seule à l'achat. En fait, ça. Simplement, en fait, les anabaptistes l'appliquent sur leurs armes et sur leur corps et. Elles ont des propriétés, on va dire. En fait, c'est un peu des espèces de stimulants en soi. D'accord. Et là, notamment, celle qui est vendue ici, c'est la pérate. C'est celle qui permet d'augmenter soit la foi, soit la volonté, en fonction de ce qu'a choisi le personnage, ainsi que la perception pendant 4 heures. Sachant qu'une huile peut être utilisée plusieurs fois, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Quoi. Moi, je... Ah ! Et il achète ça avec des ressources, c'est ça ? Alors, non, il faut, par exemple, qu'il ait un minimum de ressources. Par exemple, on peut voir que le personnage de Mokosh possède... Faut que je retrouve sa fiche. Mokosh possède... une ressource, ça veut dire que Moka, je peux se procurer par exemple le pirate de niveau 1. Okay. Et donc l'utiliser en un nombre assez conséquent de fois, justement, pour avoir ce bonus. Okay. Par contre, il faudrait avoir un niveau 2 en ressources pour pouvoir se permettre d'avoir l'autorisation d'acheter. Le niveau 2. C'est ça, parce qu'après, ça, c'est des histoires au sein des cultes. N'importe qui peut pas acheter n'importe quel équipement. Okay. On confie pas n'importe quoi à n'importe qui. Ok. Moi, je tiens juste à signaler qu'après le manteau, vu qu'il n'y a pas d'armes qui me tapent à l'œil, parce que je suis pas quelqu'un qui a des armes trop grosses sur moi, du coup, je laisse. Voilà, je dis que moi j'ai fait mes affaires, donc si personne veut rien, je suis. Est-ce que tu as rajouté, alors juste le manteau sur ta fiche de personnage C'est rajouté, j'ai pas encore save, mais c'est rajouté. Ok, d'accord. Hop, parfait. Je viens de sauvegarder. Très bien, comme ça je peux l'avoir aussi. Voilà, c'est bon, parfait. Ah oui, et technologie, c'est normalement, je crois que c'est quelque chose de technologie 1 ou 2. Bon, ça je rajouterai après, mais enfin, c'est pas très important. Moi, j'ai rien à acheter pour l'instant. Très bien. Moi non plus. Dans ce cas-là, en plein milieu de cette foule, je vais vous demander de chacun me faire un jet d'orientation. C'est sûr ? Donc, orientation, c'est instinct, afin de trouver la boutique du ferrailleur. On va perdre Tori. Alors, c'est instinct et orientation. Excuse-moi, j'ai un truc. C'est pourquoi tu fais ? Instinct, orientation, simplement pour retrouver la boutique du ferrailleur. Ah tout le monde le fait ou juste Torik? Tout le monde. Ah, okay. Tous ceux qui souhaitent chercher en tout cas. Oui. Et ben, je suis meilleur en orientation. J'ai fait 3 succès, 3 déclencheurs. Ok. Ah. Oula, si je fais encore 2-1, je fais comme Torik. Mais attends, j'ai mal écrit. Ok, ça a compris ma coche. Enfin, du coup, c'est magnifique. J'ai 3 échecs, mais une réussite qui est un déclencheur. D'accord. Du coup, c'est pas un critique, c'est ça? Enfin, c'est pas un échec critique, c'est ça? Non, si c'est pas un échec critique. Enfin, si, c'est un échec critique. Ah, attends. Il y a plus d'échecs que de réussite. Ah oui, c'est ça. Non, les échecs, c'est quoi? C'est des 1? Oui. Oui, c'est des 1. Oui, c'est ça, puisque on. Ok, très bien. Ouais. Moi, j'ai fait 2-1 et 2-6. 2-1 et 2-6? Ouais, du donc, coup, ça. Donc, toi, c'est bon, tu n'as pas plus de. Donc ça fait 2 succès avec 2 déclencheurs du coup. C'est pour ça que typiquement cette action là aurait été plus compréhensible avec des dés personnalisés. Ouais. Mais bon, ça viendra. Mais moi, moi je défonce tout moi. Sur 3D j'ai fait ça. Ah, c'est bien que tu fasses ça quand tu peux éviter de tomber malade. Bah désolé, c'était à croire que le gars il m'a bien soigné, maintenant il m'a remis mes dés normales. Ouais. J'y crois pas moi. Alors... Étant donné que vous avez tu as fait un nombre relativement élevé de déclencheurs, ça simplement ça va servir à annuler l'échec critique de Mokosh. Sur 5, vous avez fait 5 déclencheurs pour 3 échecs. Grave. Étant donné que vous déplacez en groupe, auquel cas sinon en fait simplement vous auriez pu vous perdre et tomber sur des gens mal intentionnés. Maintenant j'imagine que vous vous déplacez en groupe et ça me paraît assez improbable quand même que vous. Enfin, que Mokosh arrive à se perdre en suivant le reste. En fait, je suis à côté de Mokosh, je vois qu'elle va aller dans le mauvais sens. C'est ça. Je lui mets une pichenette derrière la tête. C'est par là. Non mais... C'est ça. Et du coup, toi en effet, Torik, beau milieu de cette foule qui est quand même assez impressionnante, tu vois. Vous voyez, tu aperçois la devanture de la boutique de l'homme que vous cherchez. C'est par là les gars. Enfin, les filles, plutôt. Et oui. On y va ? Ah bah j'imagine oui. Bah oui, allons-y, parti. Vous vous y rendez. Vous vous traversez la rue et puis vous ouvrez la porte qui lui sert de. Je sais pas de porte quoi. vous rentrez et vous découvrez justement sa petite boutique. La première chose qui vous frappe, c'est que tous les objets qui sont reposés sont sous vitrine. Pour empêcher qu'on puisse les prendre. En même temps, ils vont tout trop cher. C'est pas bête. Et c'est ça, en effet, toi, Abby, tu te poses la question, et puis en y jetant un coup d'œil d'un peu plus près, tu remarques le prix, mais également les objets qu'il vend. Et en effet, il peut pas se permettre de laisser ça à libre accès. De l'autre côté de la boutique, donc c'est vraiment, c'est une petite maison, hein, c'est une petite pièce. Vous avez un petit rouquin avec des lunettes sur le haut de la tête qui vous accueille en souriant. Bonjour. Bonjour. Attends. Si, si, il est là, mais il dit rien. D'accord, non, j'ai juste eu l'impression qu'il avait coupé. Non. Bonjour. Bonjour. Le micro a peut-être coupé un peu, ouais. Donc, il a juste dit bonjour ? Oui, il vous accueille juste souriant, en mode... Mec malaisant, quoi. Un peu comme tous les ferrailleurs, il a l'air un petit peu toqué, en effet. Maintenant, paraît-il que chaque culte trouve que le reste des cultes est un peu toqué. N'importe quoi. Mon coche est très bien. Mais... C'est vrai qu'habillé bizarre. C'est ça, elle dit ça parce qu'elle est jalouse que j'ai d'autres clients, c'est tout. C'est... Moi. Bon, bref. Vous avez les moyens d'investir dans mes articles ? On n'est pas là pour investir. Doric, c'est à toi. Pardon ? C'est à toi, c'est toi le l'hospitalier, je te laisse faire. Mais pourquoi ce serait à moi d'abord ? Parce que c'est toi l'hospitalier, moi j'ai rien à faire. Il y a un problème ? Non. Là, je suis pas malade, hein. Oui, non, justement. Doric, on t'écoute. Oui, Bah en fait, Putain, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? Non, mais si vous... Enfin, je me tourne vers eux, je dis, écoutez... Bon, ok. On a un message à transmettre aux hospitaliers parce qu'on a eu. J'ai un petit peu pas écouté ce qu'il me disait tout à l'heure, étant donné que j'étais un peu troublé. Doric, faut écouter ce qu'on dit. Oui, je suis désolé, je sais que ça a à voir avec l'hospital. Putain, mais de quoi on a l'air maintenant? Bon, mais bref, totalement déphasé en ce moment. On a un message à transmettre aux hospitaliers. On nous a dit de venir vous voir, vous. C'est alors là par contre j'aimerais trouver comment il s'appelle l'homme qui nous a amené ici. Carnot. Le problème c'était ta dernière session. Carmelo Ferro. Non, j'ai publié son son image et son nom. Ouais, Carmelo Ferro. Oui, mais je. C'est ça. Le problème c'est que ce PC là quand je scroll en fait, si tu préfères pour donner un indice de pourquoi je scroll pas, je fais le geste du scroll et j'attends à peu près 30 secondes. Oh, t'inquiète pas. On a fait Camino Ferro. Ouais, voilà, c'est Camino Ferro qui nous a dit de venir vous voir. Ok, oui, bah. D'accord, bah si c'est Camino, écoutez, je lui dois bien ça. Bah suivez-moi, c'est dans l'arrière-boutique. Ok, et vous le suivez, en effet, à l'arrière-boutique, vous constatez qu'il a toute une installation vraiment digne d'un chroniqueur. Qui va lui permettre de joindre une antenne relais qui va, elle, à son tour, pouvoir transmettre votre message hospital. Vous lui tendez le document que vous avez écrit Carmino, et en fait, il va simplement se contenter de les contacter et de réciter ce qu'il a écrit. Oui, bonjour, je suis en compagnie d'un hospitalier, d'une anabaptiste et d'une apo, enfin d'une pie, j'imagine. Oui. Je crois qu'il se retourne à toi quand il parle. Il me charge de vous transmettre le message suivant. Et là, je vous épargne les détails, mais il se met à parler pendant 5 minutes d'affilée. Un peu comme à la manière dont on écrirait un télégramme. Il faudrait éliminer la peau, l'apocalyptique et... Moi, j'ai la tête dans les mains. C'est bon. Enfin, voilà, vous voyez qui éteint son appareil radio. Bon bah c'est bon, votre message a été transmis comme vous le souhaitiez. Merci beaucoup. Aucun Merci. Problème. Si jamais vous cherchez une radio, vous également, vous allez voir, c'est relativement simple. L'appareil que vous pouvez constater, enfin que vous pouvez voir juste ici, a une portée de plusieurs kilomètres et vous permet de contacter n'importe quelle antenne relais de chroniqueurs qui à leur tour permettront de transmettre votre voyage, votre message à travers tout le pays. Et ça coûte combien ? Il faut avoir les moyens, mais. Voilà, c'est pour 1500 lettres de change, vous vous en tirez avec un appareil presque neuf. Dites le prix. 1500 lettres de change. J'ai pas assez, désolé. Je peux vous le faire à 1400. Ferro, il avait pas parlé d'une baisse de prix. Bah, non, si, c'est ça que je comprends pas. Genre, non, mais là, c'est si on veut l'acheter. Mais non, mais. Oh. Ah oui. Oh, Torik, tu fais chier. Casse-toi, Torik. Mais quoi, les filles Tais-toi. Complètement à la masse. Moi. Torik, tu vous as fait perdre une bonne affaire. Mais vous savez quoi hein. Eh ben, mes 1000 lettres de change, je les garde pour moi. Bam. Très bien. Allez, au revoir. Revenez plus tard quand vous aurez l'argent. J'irai chez le concurrent. Au revoir, monsieur. Au revoir. Espèce de con. Désolé, les filles. Vous fermez, vous. Il y a le vendeur qui vous accompagne jusqu'à la porte. Oui, il la claque pas, mais il la ferme un peu violemment. Je suis un hospitalier hypochondriaque. Ouais, t'es surtout relou. Hein. Comme tous les hospitaliers d'ailleurs, nous sommes tous hypochondriaques. Ouais, c'est ça, vous avez un mec qui passe juste devant vous qui lâche. Hein, tous les hospitaliers sont hypochondriaques. Du coup, je suis inquiet là. Là je m'imagine toutes les possibilités. Oui, bah de toute façon, le message est passé, c'est bon. Hein, Capano, hein. Merde. Mais en bas, hospitalier, vous en voyez qui déambulent dans la rue avec leur mollusque. Tiens, t'as qu'à aller. Qui est pas un ou deux porteurs de. Ouais. Tu peux pas aller leur demander si t'es malade ouais. Tu risques quoi, hein? Juste la mort, c'est pas grave. Ça se déclenche que dans une semaine. Quoi, c'est pas votre métier d'être médecin? Tu m'as sauvé la vie, va leur demander de sauver la tienne. Les symptômes n'apparaissent que dans une semaine, donc je peux pas le savoir maintenant. Oui, arrête de trouver des excuses et affronte tes peurs. C'est facile à dire, hein. C'est pas toi qui peux avoir ces putains de verres dégueulasses. Ah mais moi j'aurais le verre, je m'en fous, hein. Tu sais, crever demain ou aujourd'hui. Bah après tu t'en crèves pas forcément, mais bon, c'est plutôt pénible. Bah attends, la douleur donne faim, ça peut être un avantage dans certaines vies. Hein. Bon, j'ai pas encore trouvé quoi, mais... moi je suis pas gladiateur. Hein. Bon, soit... On fait quoi? On retourne au hôpital? De toute façon, je pense que si on le fait pas, tu vas devenir fou avant, donc oui. C'est possible. Et vous m'aurez tué avant d'arriver, d'ailleurs. Non. Non. Non. Non, Mokosh. Non. Non. Non. Et il y a un hôpital ici ou il va falloir aller jusqu'à juste. Alors, l'hôpital, c'est l'hôpital. Ah, donc c'est celui... Ouais, d'accord. Bah oui, l'hôpital, ouais. C'est vrai que vous vous doutez que si jamais vous envoyez Torik Hospital, vous n'allez pas le revoir avant au moins plusieurs jours, le temps qu'il est... Oh, tu me diras, ça sera pas une perte quand il nous fait perdre des occasions de... Qu'il passe par toutes les étapes de désintoxication, parce qu'évidemment, s'il va pour une blessure, après, c'est complet. Hein. Déjà, juste pour rentrer dans l'hôpital, il faut passer par de nombreuses chambres de décontamination... Lavage extérieur et intérieur. Exactement. Donc, enfin bon, on vous épargne les détails, épilation totale, tout ça. Bah, c'est un peu loin quand même pour y aller comme ça. Ça, c'est un plaisir, l'épilation à ce niveau-là. Il faudrait les tuer, je suis hospitalier. Vous avez besoin de nous quand même, un peu. Ouais. Maintenant, vous savez également qu'en effet, le temps d'aller faire l'aller-retour pour l'hôpital, vous en avez bien pour plusieurs jours. En comptant les jours que Torik passera sûrement sur place, vous en avez bien pour une semaine. Sachant que vous êtes censé... Je vous empêche pas de le faire, mais je vous rappelle juste que vous êtes censé, en théorie, retrouver le commissaire à l'auberge. Je vous empêche pas de le faire, hein. C'est pas... Au pire, on abandonne Torik et on y va sans lui. Mais non, mais Torik, il peut attendre quelques jours quand même. Mais attends, mais t'as vu là? Attends, ça fait des heures là qu'il est en mode gros choqué de la vie. Non, mais on va aller rejoindre le commissaire. Ouais. Bah écoute, la prochaine fois qu'on essaye d'arnaquer un vendeur, tu fermes ta gueule et puis après tu restes. D'accord. Putain. Vous avez les marchands autour qui vous regardent un œil assez suspect. Vous m'intéressez pas à vous. T'as une putain cam dans la rue. La prochaine fois qu'on essaie d'arnaquer un vendeur. Ah putain. Bon allez, allons retrouver le commissaire et après on enverra Torik en désintox et. Désintox. Ça, je comprends mieux pourquoi on s'est pas trop éloigné juste ici. Hein. Alors. Maintenant, c'est vrai que le commissaire en soi vous attend, il vous donne rendez-vous le soir. Là, on est en début de journée. Vous avez encore, si vous le souhaitez, vous pouvez passer plusieurs heures dans la ville, notamment, je sais pas, si toi, Abby, tu souhaites te rendre. Je voulais aller au sous-sol, bah, du coup, mais. Au souterrain, oui. Vous avez plusieurs heures à tuer. Maintenant, vous pouvez les passer à la carafe sans souci. Je sais pas si Torik est prêt à aller dans les souterrains, tu vois, genre. Non, je vais pas y aller. Ah. Dans tes souvenirs, chemin étonnamment, en fait, c'est le réseau d'égouts qu'ils ont utilisé, mais en fait, ça sert plus du tout d'égouts. Ah oui, non, mais c'est pas le problème, hein, c'est Torik le problème. Hein. Moi, j'ai aucun problème, moi j'y vais. Bah, moi, j'ai pas trop. Enfin, c'est pas trop mon style d'aller voir les apôts, enfin, de traîner avec des apôts. Enfin, sur des apôts, pas un, mais des. Bon, écoute, ce que je propose, c'est que Abby va s'occuper de ces trucs d'apôts. Et nous deux, bon, on va juste. Bah, c'est parfait. Boire quelque chose au bar, tu vois. Ouais. Pour te remettre sur pied déjà, parce que bon. Je vais lui demander de la javel. Voilà, bah tu vois. Le groupe se sépare. Mokosh et Torik, vous vous rendez dans une auberge de la ville. Toi, Mokosh, de toute façon, dès que tu rentres, tu vois des mecs qui te font de la place au niveau du bar. Bah, t'es orgastique, hein, donc tu fais partie des anabaptistes, et les anabaptistes, c'est eux qui contrôlent la ville. Bah voilà, magnifique. Tu te poses, qu'est-ce que tu commandes? Un shot, une pinte Oh, une pinte, c'est bien. Une pinte. Torik qui se pose juste à côté, qui commande un verre d'eau de javel. Vous avez le mec qui vous regarde étrangement pendant plusieurs secondes et puis. Non, mais on doit voir ça, ouais. Qui repart en cuisine. Pendant ce temps-là, toi, Abby, tu te rappelles très bien du trajet pour te rendre aux égouts. En fait, sur le côté de la ville, il y a un puits qui est gardé par des spitaliers qui propose de payer pour boire. Tu peux également y acheter des gourdes. Et juste à côté, t'as simplement l'entrée des égouts. Et c'était déjà comme ça la dernière fois que t'es venu, mais l'hospitalier ne pose absolument aucun souci au fait que des gens viennent et repartent justement du passage qui mène aux égouts. Comme quoi, il y a en effet un accord implicite entre les différents cultes. Tu te rends en bas. Ouais. Tu descends, et puis t'arrives au niveau des souterrains. Les souterrains, justement, c'est quelques passages qui sont reliés les uns avec les autres, avec des espèces de salles un petit peu plus grandes. À l'intérieur, tu croises tout ce que tu peux croiser en vermine habituelle, sans que ce soit non plus un endroit qui grouille de bandits ou autres personnes relativement néfastes, au final. Et tu te rends, au final, au niveau de la salle principale, qui est une espèce de grand bar aménagé, qui est vraiment le repère de la nuée actuelle. Et tu vois à disposition qui te vendent tout ce que tu peux t'intéresser en fait. Ils vendent des crochets, à boire, à manger, évidemment de la brûlure. Mm-hmm. T'as des mecs à droite à gauche qui parlent, qui planifient sans doute peut-être des missions, des choses. Tu vois des pies qui abordent les voyageurs. Et également une scène avec ce qui semble être des spectacles qui sont organisés. Enfin, en fait, au final, il y a toute une petite. Vraiment, c'est presque une ville à l'intérieur de la ville qui est organisée. Ok. Eh ben, écoute. Soit. Je vais déjà juste regarder un peu, genre à droite à gauche, s'il n'y a pas quelque chose pour m'intéresser. Niveau crochet, il me semble que j'ai toujours ce qu'il faut dans mon équipement, parce qu'on ne crochète pas tant de choses que ça. Mais en crochet ou c'est. Moi j'ai des épingles à cheveux, mais c'est des crochets du coup qui vendent vraiment les gros crochets Oui, c'est ça. Le crochet, la différence entre le crochet et l'épingle, c'est le crochet est beaucoup plus résistant en fait. T'as vraiment moins de chance d'aller. D'aller péter ça, et le crochet c'est plus fait pour vraiment comment dire, crocheter tout ce qui est mécanisme, alors que l'épingle à cheveux, tu vois, enfin, c'est vraiment plus. On n'est pas dans Fallout ou Skyrim où une épingle à cheveux permet de crocheter absolument n'importe quoi. Je vais peut-être du coup essayer de vendre du surplus que j'ai sur moi, un truc du genre, et avec l'argent que je pourrais me faire, je sais pas comment tu peux déterminer ça, voir si je peux me prendre un petit crochet ou deux. Parfait, bah, tout simplement comme tout à l'heure, je viens d'envoyer le tableau. Ah. Les correspondants. Et d'ailleurs, en effet, tu aperçois également quelque chose qui attire particulièrement ton attention, une espèce d'armure. Enfin, une armure en cuir qui est exposée à l'intérieur d'une vitrine derrière le bar, qui est clairement une tenue d'apocalyptique, mais qui c'est la première fois en fait que tu vois une telle finition sur un objet, un tel objet, parce que normalement les apocalyptiques sont vraiment, même s'ils ont un petit côté un peu bling bling, c'est assez rare que ce soit à ce point là mis en avant. Bah écoute, j'ai... Bon, déjà, je vais vendre mon surplus. Ouais. Pour voir, déjà, comme ça, je me fais de l'argent. Dans ce cas-là, j'ai demandé de me faire un jet de charisme négociation. Oui, alors ça, normalement, ça va, parce que je suis bon. Ok. Prise. Ok, pour l'instant, c'était good. Il faut que je lance deux autres. Comme j'ai que 2 dés, hein, pas de soucis. Ok, du coup ça fait. Ah, 3 réussites dont un déclencheur. 3 réussites dont un déclencheur. Donc en effet, tu gagnes un surplus de. 20 lettres de change. Oui, c'est bien, c'est bien. Je lance un des 6 et j'ai multiplié par le nombre de déclencheurs. Bah du coup ça me fait retourner à 64. Enfin, multiplié par le nombre de déclencheurs multiplié par 10. Ok. Bah du coup ces 20 là vont du coup rembourser mon crochet. Oui. Justement c'est pile poil ce qu'il faut pour acheter un crochet, donc tu peux simplement le rajouter à ton inventaire. Ouais. Donc j'achète un crochet, donc je retire les 20 que je viens de m'ajouter. Hop, je me rajoute un petit crochet. Au moins comme ça, je serai équipé le jour qu'ils auront besoin de mes services, les gens. Pareil, la brûlure, je t'ai mis les effets de la brûlure visibles. Ouais. Et même si en soi, c'est vrai que quand t'achètes de la brûlure, tu l'achètes pas dans le jeu par rapport au stade que ça va te donner. Mais il faut savoir que t'as largement eu l'occasion de tester tous les types de brûlures quasiment qui pouvaient exister. Pas tous, mais la plupart. Et c'est vrai qu'en fait, chaque brûlure, en fonction de l'endroit d'où elle provient, un effet complètement différent. Et donc justement, celle qui est créée par exemple en Franca, permet de... En fait, apaise les gens, et par exemple, permet complètement de... Si tu en fais inhaler à un adversaire sans qu'il s'en rende compte, de l'empêcher de t'attaquer. C'est-à-dire que ça rend les gens passifs. Ça permet vraiment d'éviter des batailles lorsque c'est utilisé dans des complots à grande échelle. Je vais me faire des petits stocks, mais avant ça, je vais aller voir le truc qui tient du coup la tenue. Ouais. Je vais me renseigner. Tu vas voir, simplement, c'est pareil. J'ai oublié ceux qui s'occupent des. Je crois que c'est la chouette qui s'occupe du bar. Ou le pivert. Mm-hmm. Donc, voilà, tu vas voir l'apocalyptique qui s'occupe de gérer le bar. Je peux quelque chose pour vous ? Oui, quelle est cette tenue derrière vous ? Ah, celle-là ? Si vous voulez l'acheter, malheureusement, elle est déjà réservée par ma corneille. En fait, c'est assez intéressant l'histoire qui tourne autour. Les apocalyptiques de... Enfin, des apocalyptiques de l'Est, de la Borca, ont réussi à... trouver une espèce de bunker dans lequel ils ont récupéré ces tenues. Donc ils les ont un petit peu adaptées à nos besoins. Et vous en avez 2-3 qui circulent sur le marché comme ça. Et ils les vendent combien généralement? Même si Alors, je vous cache pas, ça tourne autour des 1000, voire 1500 lettres de change. Maintenant, on a eu des guerriers qui en ont porté, et à ce qui paraît, ça vaut son prix. Ok. Maintenant, voilà, on se connaît, on est tous un peu une grande famille. Si jamais vous en croisez une qui est à vendre, faut pas hésiter, hein. Y a toujours moyen de négocier le prix. Bien sûr. Via un service. D'ailleurs, si jamais vous en revoyez, n'hésitez pas à mettre de côté, je paye cash. Très bien, pas de soucis. Bah, si jamais ça vous intéresse vraiment, essayez de vous renseigner auprès de la nuée des salamandres. Sûrement, c'est au sud-est d'ici, donc... Très bien. Il y a quelques jours de marche, mais quand même. Très intéressant, merci. Et du coup, je vais aller voir pour me prendre une unité de brûlure chacune, ce qui me fera 70. Très bien. Ouais, pareil pour récapituler assez rapidement. Sachant que, alors là, ce sont des brûlures plutôt basiques, hein, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus puissant, parce qu'il y en a qui sont plus puissantes que d'autres. Mais même en provenance du même chakra terrestre, hein, justement. Typiquement dans l'idée gloire, donc elle c'est vraiment c'est ce qui est utilisé par les gladiateurs avant leur combat. Mmh. Et vraiment c'est quasiment un stimulant quoi, ça rend les gens pas fous mais presque quoi. C'est gloire et Argus. C'est ça. Ça c'est très marrant les noms de. Ouais et l'Argus enfin elle est vraiment spéciale parce que justement c'est. Ça touche tout ce qui est au sens, et en fait, Libris Pani, par rapport à sa brûlure, qui est relativement rare sur le marché, à ce principe que en fait, les gens qui la prennent pourraient, à ce qui paraît, toi ça t'est jamais arrivé, mais quasiment voir l'avenir en rêve, en fait, au moment où ils la consomment. Ouais. Bon. T'as constaté qu'en effet, ça décuplait des sens. Après, de là, voir l'avenir, c'est pas non plus... Ok. Mais voilà. Franchement, je me fais mes petits stocks, bien entendu, hein, je me cache ça genre dans les bottes, dans le soutif, etc. pour éviter que Touric me chope. Pas de soucis. Et après, je vais remonter. Si tu veux, je te noterai tout ça aussi de côté. Ouais. Moi, déjà, j'ai noté ça sur ma fiche que j'avais unité Gloire et Argus. Parfait. Et quand j'aurai mon PC fixe, je me ferai des petits récaps de ce qu'il me faut. Ok. Dans le loot, j'ai noté aussi. Ouais. Ça, si jamais tu oublies que tu me redemandes, je pourrais t'envoyer tout ça. Ouais, c'est pas cool. Du coup, je vais pas trop traîner parce que je sais que mes amis m'attendent. Oui, mais du coup, j'allais passer à eux justement aussi. De votre côté, Mokosh et Doric, vous vous retrouvez au bar en train de consommer d'un côté ta pinte et de l'autre ton verre de Javel. Est-ce que Doric, tu commandes autre chose avec ou tu bois uniquement ça? Bah ils ont quoi qui pourrait plaire à un hospitalier, parce que bon, en même temps, il faut quelque chose qui soit consommable. En soi, l'alcool désinfecte, hein, mais... Et ils ont quoi comme... C'est une question de point de vue. Hein. Bon, allez, on va dire que, évidemment, je ne vais pas boire de l'eau de Javel, sinon je risque d'avoir... Non, sinon, globalement, enfin, ils vendent de l'eau filtrée, ce qui est pas... Ce qui n'est pas forcément négligeable, de l'alcool. Enfin bon, j'imagine que de l'eau filtrée coûtait cher peut-être. Ou à manger. Ah non, de l'eau filtrée ici, vu qu'ils ont le réseau d'aqueduc, en fait c'est pas si compliqué que ça. Ils peuvent se permettre assez facilement de. En soi, pour une lettre de change, t'as un verre quoi. C'est... Bon, non, mais je vais consommer de l'eau. Très bien. La filtrée, c'est propre, c'est. Voilà. D'un côté t'as de l'eau et de l'autre côté t'as une pinte. Je sais pas quoi. Ouais. C'est ça. Du coup, même si ce sont des petites sommes, on va quand même les retirer par principe. Toric, je vais te laisser te retirer une lettre de change d'accord. Pour mon temps. Et Mokosh, toi tu vas en dépenser 3 pour ta pinte. Ok. Franchement, j'ai connu des endroits où il faisait plus cher. 449 lettres de change. C'est ça. C'est fait. Au bord, vous voyez d'autres orgastiques qui sont en train de discuter aussi, assis à des tables. Des serveuses qui passent d'une table à l'autre pour aller servir à manger aux voyageurs qui se sont arrêtés et qui sont en train de contempler les nouveaux articles qu'ils ont pu acquérir au marché. Je sais pas si vous avez vraiment l'intention de vous attarder ou si vous comptez attendre que Abby vous retrouve dès que possible. Bah, à la limite, dans ce cas, je vous demanderai. Plus on va. Parce que là, en fait, nous, on s'est. J'ai pas posé la question, mais on s'est donné rendez-vous. Oui, bien sûr, on s'est donné rendez-vous. J'imagine à l'auberge où vous trouvez actuellement. D'accord. Après, enfin, à part si t'as quelque chose à faire de spécial, mon coach, moi, honnêtement. j'ai rien de spécial à faire. Attendre qu'elle se pointe. J'imagine qu'elle va pas la voir pour toute la journée quand même, notre petite amie. Non, on va pas mettre longtemps. Le temps qu'elle achète deux ou trois brûlures, c'est bon. Mais... tu me fais mal au cœur. Oh oui, on va rester là à attendre et à boire. La meilleure chose dans la vie. C'est sûr que... On va bien s'éclater. Surtout moi avec Delon. Cet homme qui arrive tellement à leur montrer sa joie dans la vie. On va bien s'éclater. Bah y'a pas de cadavre alors bon, moi ça me parle pas quoi. Ah bah oui, dès qu'il n'y a plus de cadavre, il est triste, Tori. Hein. Bon, après ouais. si t'en veux vraiment, on déclenche une bagarre. Non, mais là en ce moment, j'ai pas le goût. Je suis un peu stressé. Là, tu vois. C'est pas mon jour là. Comme diraient peut-être certains, c'est vraiment une journée de merde. Toric et Mokosh, faites-moi chacun un jet de. Instinct empathie. Ah, j'ai trouvé d'autres dés. Je vais les tester ceux-là. Rien du tout. Deux réussites. Ok. Au fur et à mesure que vous passez du temps dans ce bar, vous commencez un petit peu à cerner la population qui habite la ville. Et en soi, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Des paysans, des orgastiques et des ascètes. Des ferrailleurs, étant donné que c'est le début de la saison, qui sont venus... acheter de l'équipement pour préparer leurs expéditions. Et puis de temps en temps, un ou deux groupes d'hospitaliers qui passent pour vérifier que tout va bien. Finalement, Abby vous rejoint pas trop tard dans la soirée. Enfin, en début de soirée. Hein, et vous décidez ensemble de reprendre la route de la carafe. Dans l'espoir d'y retrouver le juge. S'il a fini... Enfin, si... S'il a avancé de son côté. Vous repassez au niveau du pont, donc vous croisez les orgastiques qui gardaient la porte. Qui te salue d'ailleurs, Mokosh, avec respect. Bah, je le salue aussi. Vous reprenez la route donc en longeant les aqueducs et les fermes, les champs, tout ce qui est de plus banal. Et puis au bout d'un moment, vous passez au niveau d'une presque en fait un petit bosquet. Et puis d'un coup vous trouvez, en plein milieu du chemin, comme ça abandonné, une espèce de petite boîte métallique. À côté de vous, il n'y a pas grand chose, à part un moulin à quelques mètres, mais il semble y avoir personne à qui ça pourrait appartenir. Une boîte, genre quelqu'un qui a perdu sa chaussure? Non, une petite boîte métallique. Ouais. Ah, j'ai entendu une boîte. Écoute, moi je la prends et je les interroge, je regarde, je vois ce que je l'ouvre. Ok. Oui, moi j'aurais bien réagi. Je vais essayer de cerner l'objet avec un test si de. Agir avant, il peut. Hein. Moi c'est juste comme personne n'a pas agi, je me dis allez. Bah disons que si je la vois s'approcher quand même, je lui fais signe de pas s'approcher parce que c'est pas normal ce genre de truc. sais, c'est genre, il va y avoir des tigres qui vont sortir derrière les arbres. Et justement, pile quand tu dis ça, ah ben voilà. Derrière vous, au niveau de la forêt, vous entendez le bruit d'un coup de feu. La terre juste à côté de toi, Tori, tu vois plein de petits éclats qui d'un coup fendent l'air et viennent se planter comme ça en plein milieu de la poussière. Bah quel problème, on nous tire dessus. Tout va bien, Mokoche. Voilà. Vous savez que les armes à feu, c'est pas extrêmement courant au niveau de... Quand même, ça circule pas tant que ça, et ça représente quand même un danger plutôt conséquent. Du coup... Et donc c'est clairement dans notre... Oui, c'est clairement dans le même... On a essayé de te tirer dessus, quoi. C'est clairement... Bah donc bah, déjà, j'ai du recul. Enfin, j'ai pas de recul. J'essaie de trouver une position un peu pour me planquer, en fait. Si je peux. Mm-hmm. S'il y a quelque chose à côté. Alors là, vous vous trouvez justement en plein milieu de la route. Derrière vous, vous avez justement cette espèce de petite forêt, enfin, ce petit bosquet, quoi, qui l'allonge sur plusieurs centaines de mètres. Vous avez également justement une ruine à quelques mètres de vous où vous pourriez tenter de vous abriter. Enfin là tout de suite c'est ce qui vient à l'idée, ou sinon il y a le moulin que je vous avais décrit tout à l'heure où il y a peut-être des gens qui s'y trouvent. Bah de toute façon là après c'est plus de l'ordre du réflexe, je veux dire n'importe qui. En tournant la tête là vous apercevez justement, bah je pense c'est typiquement ce que décrivait Mokoche, 4 silhouettes qui commencent à sortir des bosquets. Ça paraît assez, assez improbable parce que, étant donné normalement, ce sont des routes qui sont quand même. Enfin, on tombe pas sur des bandits comme ça. Moi, je dirais bien on saute dans les ruines. Bah, moi aussi, ouais. Je suis là d'instinct, okay. Par réflexe, je vais vouloir m'abriter et je vais aller au plus court, quoi. Ce qui est le plus... Ok, vous commencez à courir au niveau des ruines. Faites-moi un jet, hein, chacun un jet de physique et athlétisme. Oula. Je fais aussi, du coup. Oui. Oh, oui. Sauf si tu décides de ne pas les suivre. Oui, mais enfin, ça serait un peu con. Survivez sans moi. Putain, j'ai que deux. Oh là là. Ah. 3 réussites. Une réussite, mais aucun déclencheur. Non. 2 succès. Ok. Vous vous mettez à courir en direction des ruines. Vous entendez les personnes derrière vous qui font de même. Vous arrivez, alors les ruines pareil, hein, je vous décris rapidement, c'est deux murs qui tiennent l'un contre l'autre, plein de poussière, bon ça fait au moins en limite une surface sur laquelle s'abriter. Mmh. Vous vous y mettez en sécurité, vous entendez derrière vous les bruits de pas des gens qui courent, et le bruit de rechargement d'un fusil. Qu'est-ce que vous faites? D'ici sans doute 3 à 4 secondes, ils sont sur vous. Et moi je suis pas prêt là. Bah après ils vont être. C'est au corps à corps quasiment. Enfin s'ils ont fusil, ils vont pas tirer au corps à corps. Enfin j'y vois pas arriver au corps à corps. Je sais pas s'ils ont tous un fusil, étant donné que c'est quand même une arme relativement rare. Il y en a sans doute un, voire maximum deux qui en possèdent. Sans doute que les autres sont au corps à corps. Bah de toute façon après là honnêtement pour moi ça va être plus je vais serrer le dilacérateur très fort dans mes mains et être à l'affût de ce okay. qui pourrait arriver sur mes côtés. Très bien. Vous faites quoi les autres? Bah écoute, moi je vais essayer de rester en sécurité parce que c'est à dire qu'avec mon stylet, quelqu'un qui a une arme à feu, bon. Mais toi, pas beaucoup de chance. Je sais pas. Moi, j'essaie de rester. Moi, du coup, tout en restant à l'abri, je vais me préparer à dasher vers la première personne. Ok. Bon, on fait tous la même chose pour moi. C'est ça. Ouais. Parce que. Il est parti d'un qui veut dire. Qu'est-ce que vous voulez? À la limite, on pourrait dire ça. Je pourrais dire ça. Qu'est-ce que vous voulez? Si tu souhaites crier, en effet, tu peux. Bah oui, de toute façon, ils arrivent vers nous, donc au pire, on n'est pas caché maintenant. Oui, ils savent où on est de toute manière. Qu'est-ce que vous voulez? Rendez-vous! Bon, ce sera la guerre. Oui, vous, pour quelle raison? C'est pas le moment de poser des questions, jetez vos armes. Vous entendez parler de derrière les ruines, en fait. Vous êtes là, vous êtes actuellement protégé par les murs. Mais vous savez qu'à n'importe quel moment, ils peuvent débarquer soit par la droite, soit par la gauche. Casse les couilles, on fait quoi? Bah, ça se trouve, on va pas se rendre. Bah, moi, je me. De toute façon, moi, je me rends pas tant que je sais pas pourquoi. Ah, mais clairement, enfin, genre, ils vont nous flinguer, fais pas genre, sinon ils auraient pas tiré comme ça, enfin, genre. Enfin, bon, je veux quand même une. Moi, je veux une raison. Bah oui. Jetez vos armes et tout ira bien. Donnez-moi d'abord une raison. Oh putain, on va te donner une raison, toi. Ok, lâchez vos armes et tout ira bien. Je pense pas que vous soyez en position de négocier. Doric, prépare ton lance-flamme. Ah oui, pour rappel, c'est vrai que c'est... Alors c'est pas un lance-flamme, mais oui, en effet, c'est les munitions que tu possèdes actuellement, ce sont les munitions de poudre de feu. J'ai pas le nom exact, donc... Oui, oui, c'est un... fusil fongicide. Prépare le feu. Je crois que ça va mal tourner. Ouais, mais alors là, pour le coup, il faut que je choisisse si j'utilise ça ou ça. Alors... Actuellement, on n'est pas littéralement en phase de combat. En fait, cette règle, elle permet juste d'éviter en fait que tu switches entre ton dilacérateur et ton fusil à fongicide. Pendant un combat. En mode genre, je tiens l'un dans la main et l'autre dans l'autre, tu vois. Tu, physiquement, t'es pas capable de. Bah, c'est pour ça. De... Donc en gros, là, c'est quand même difficile pour moi de choisir. En fait, pour l'instant, non. Mais pour l'instant, ce que ça veut juste te dire, c'est que si jamais tu prends ton fusil en main, tu déposes le dilacérateur en équilibre contre le mur. Rien ne t'empêche de le récupérer par la suite. Maintenant, c'est vrai que si jamais tu es en confrontation corps à corps contre un ennemi, ça donne un léger malus de devoir switcher d'arme, mais c'est. Bah, c'est pas permanent. Oui, c'est ça aussi. Donc c'est là, mais au corps à corps, t'as Mokosh. Pourquoi tu t'inquiètes? Ok. Bah, je vais compter jusqu'à 3. Mokosh, compte jusqu'à 3. Bon, ouais. 1. 3, et là je sors pour aller le défoncer. Quoi? Non, mais pas comme ça! Faut pas mourir non plus! Ok. D'un coup, Mokosh, tu sors. Je. Alors, je sais pas, mais j'aimerais ça. Genre, est-ce que je suis capable de la suivre en mode, tu sais, mais panique, pas en mode j'ai tout claqué, en mode je la vois partir, je fais quoi? Fais-moi un chez de psyché réactivité. Ok, psyché réactivité. Pour le coup, enfin, je vois pas comment je peux réagir autrement, tu sais, je suis en mode. Allez, je compte sur Mokosh, quoi? Du coup, est-ce que tu. Tu sors du même côté qu'elle ou du côté inverse? Alors pour le coup, comme là je suis vraiment dans une logique de j'ai pas eu le temps de réfléchir, normalement je suis du même côté. Hein. D'accord. Alors pour l'instant j'ai fait une réussite, pour l'instant je reste à une réussite, j'ai pas fini, je dois encore lancer des... Psyché et quoi? Réactivité. Réactivité. Ce qui me fait du coup deux réussites avec un déclencheur. Combien de réussites? Deux réussites avec un déclencheur. Des réussites dans un déclencheur, ça me va, oui, ça me paraît parfaitement cohérent. Tout donné qu'en plus, tu connais Mokosh depuis plusieurs années maintenant, tu es capable de prédire ce genre d'action un peu. Voilà. Ok, Mokosh, je sais pas, moi j'ai quoi? Et puis je la suis avec mon petit stylet. Du coup, vous allez chacun. Alors. On va pas passer en phase de combat là tout de suite maintenant, littéralement. Vous allez juste chacun m'enchaîner. En fait, en sortant, toi Mokosh, tout de suite, ce qui te saute aux yeux, c'est en fait, il y a 4 mecs devant toi. Dont un derrière les trois autres, qui est justement équipé du fusil, c'est un mec avec une espèce de masque un peu bizarre, un peu un masque à gaz. Les autres devant, il y en a un, alors je le décris vraiment ça dans le feu d'action, mais qui semble être un ancien anabaptiste, puisqu'il est équipé d'un espadon et qu'il a des marques de tatouage qu'il a tenté d'effacer encore présentes sur le front. Okay. On attend juste le retour de. D'habit. Il est un masque à gaz, le gars derrière. Ouais. Parce qu'il ressemble à une espèce de masque à gaz ou masque respiratoire. Mais genre, c'est pas spital quoi. Ah non, pas du tout, non. Okay, non, alors, toi, de ton côté, est-ce que tu te tournes aussi et si oui, avec quelle arme en main? Sachant qu'ils sont actuellement là à quelques mètres de vous. Bah, le truc, c'est que. Là, la configuration fait que si Mokosh part au corps à corps, moi mon arme je peux plus l'utiliser. En gros, je vais sulfater une zone, je risque largement de. Alors, tu sulfates pas en fait, c'est presque comme une espèce de lance-grenade au final, ton arme actuellement. Mais oui, tu pourrais imaginer essayer de tirer un projectile, puis aller attaquer au corps à corps. Avant que Moko entre au corps à corps, étant donné qu'il y a plusieurs mètres de distance qui les séparent. J'aurai le temps de tirer un projectile et ensuite de reprendre mon dilacérateur pour faire un. Bien sûr, enfin, tu feras pas ça en une seule action, mais c'est bien sûr c'est possible de tirer un projectile, de jeter ton fusil à terre et de d'équiper ton dilacérateur. Et ensuite de charger au corps à corps. Tu t'arriveras juste un peu plus tard dans la mêlée. Au final, c'est pas si mauvais, hein. Mais après, ouais. le seul problème, c'est que. Si... Oui, non, surtout contre un groupe d'ennemis comme ça qui est regroupé, en effet, ça peut être très. Le seul truc, c'est que si Mokosh fonce dans la mêlée directe, là, je peux plus tirer. Parce que si je fais un jet pourri, je peux la smater, quoi. Bah, c'est vrai qu'il reste un pourcentage de chance que tu tires et qu'elle se prenne le retour, mais. Puis ça pique, hein. Mais moi après oui je peux le faire. C'est pas vrai ça. Je peux le faire. Prends le risque. Maintenant, dire que je meurs. Voilà, ça, étant donné qu'on se trouve actuellement dans une situation. Enfin, évidemment, on prend le temps nous d'en parler, mais là, dans une situation de. Oui, c'est pas vrai. Tout se déroule en quelques secondes. Donc, c'est comme ça, tu peux pas demander l'aval si. Oui. Non, mais en fait, là il faut que tu imagines. C'est ça. Ce que je suis en train de penser dans ma tête. Bien sûr, oui, bien sûr, y'a pas de soucis. Tous les 4 fusils possibles. Vois tellement Touric hurler. Est-ce que j'ai le temps de lancer une grenade alors que je vais vraiment taper les jantes. Attention, ça va brûler. Maintenant, c'est vrai que vous savez que les armes à feu, vous en avez déjà vu plusieurs. Bah, Touric en possède une d'ailleurs. Oui. C'est vrai que c'est quelque chose en temps normal, enfin surtout un fusil qui est relativement, mais même vraiment violent. Ça pique. Oui, c'est ça. Surtout que là, visiblement, ça a l'air d'être une arme qui envoie une série de projectiles. Donc, c'est sans doute un fusil de chasse ou type un peu fusil à pompe. Mais pour l'instant, le combat est. Enfin, moi, franchement, je vois Mokosh et Abby sortir. Je gueule. S'il se passe quoi que ce soit, vous finirez en merguez saucisse. D'accord. Il a vachement changé, je trouve, notre hospitalier. Hein. Il est moins efficace. Mais là, je suis super énervé parce que déjà, j'ai fait une connerie tout à l'heure. Je suis pas en état de tu vois, d'être cool, d'être zen. Quand le mec est vénère, il fait « Oh, attention, hein, merguez saucisse, hein !» Avec un peu de chance, tu vas tomber sur des fans de Johnny Hallyday qui... Oh. Non, je devrais pas faire de blagues sur les beaufs. Attention, hein, ça va être diffusé, hein. Ouais, c'est vrai, vraiment. C'est que là, à cause de toi, la petite Pogidia vient de perdre 100 abonnés et gagner de plus. Bon, honnêtement, je pense pas qu'il y ait autant d'abonnés qui soient fans de Johnny Gill. Enfin, je pense pas. Mais ouais, donc je gueule, je mets en garde que si se passe quoi que ce soit, ils vont finir. Ils vont avoir chaud aux fesses. Ok. Juste afin de. Comment dire, qu'on ait un meilleur aperçu de l'espace. Vous envoyez un mini plan fait en 30 secondes là sur Photoshop pour que vous puissiez vous situer à peu près par rapport aux ruines et aux ennemis qui se trouvent devant vous. Tu peux meubler si tu veux. Non mais je suis en train de le plan là, il arrive dans même pas 30 secondes. Ce qu'il faut comprendre, alors oui c'est vraiment très précaire hein, comme plan. Les croix rouges c'est les ennemis, les croix blancs c'est vous, donc en haut Touric et les deux en bas Mokosh. Et Abby. L'espèce de rectangle là, bah, c'est simplement la ruine, donc qui vous permet de vous abriter des tirs si jamais vous le souhaitez. Okay. Voilà. Maintenant la question, Touric, bah voilà, simplement, est-ce que tu décides de tirer ou pas? Ouais, bah là, vu que maintenant j'ai le plan. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je pensais que c'est ça pourrait être. Plus simple. Disons que je pivote légèrement sur la gauche et j'envoie une salve en plein milieu. Ok, très bien. Eh bien, je te laisse me faire un test d'agilité à ma projectile. Alors, du coup, c'est. Agilité arme projectile. Ça te fait 5D. 5D, ça tombe bien. J'en ai 5 dans la main. Alors, c'est pas le moment de faire des 1, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, j'ai deux succès, dont un déclencheur. Ok. C'est cool, c'est cool. Alors. Juste vérifier comment fonctionnent les. Très bien, voilà. Agent chimique, poussière de feu. Oui, donc voilà, clairement, ça fonctionne comme une espèce de lance-flamme au final. Ouais. Donc en fait, tu vas tirer un projectile enflammé, donc il crée presque une mini une explosion une fois qu'il atterrit au sol. Et je regarde juste en termes de dégâts purs comment ça fonctionne. Bah, la dernière fois ça piquait, je crois. Hein. C'était genre 9 ou un truc ouais. Comme ça. Hein. C'est ça, alors ça fait 8 dégâts. Et ça fonctionne aussi, ça fait également des dégâts de feu continu. Mais c'est une dégâts de zone ? Non, c'est pas un truc de zone ? Oui, oui, bien sûr. Du coup, simplement, chaque ennemi a également une chance. Ah oui, d'esquiver. C'est ça. Je vais faire ça très rapidement de mon côté. Pour chaque ennemi. J'aurais dû en faire plus de soucis. Alors oui, rappelle-moi ton nombre de réussites. J'ai fait deux succès, un déclencheur. Ce qui est peu. Ok, très bien. Alors, le premier ennemi... Il y a beaucoup de dés, là. Ok. Trois succès, putain, il est... Ok. Le tireur, juste derrière lui, tu vois, dès que tu sors ton arme, il recule en arrière. Clairement, il sera pas atteint par la... Okay. Par l'attaque. Toutefois, devant lui, se trouve un homme avec une massue. Qui, de son côté... Fait 3 saltos arrière. Non, malheureusement, n'est pas assez agile pour s'écarter à temps. Heureusement, tu fais magie. Oui, heureusement, s'il te plaît. Le MJ qui veut nous tuer, quoi. Sois heureux pour nous. Donc, il se prend 8 dans la tronche. Alors, attends. Oh putain, ça fait mal. Alors, en effet, tu vois les 3 ennemis devant toi. Tu sors d'un coup, tu commences à t'empoigner ton arme et tu prépares ton tir. Au moment où le projectile part, ça se divise. T'as le mec derrière celui avec l'arme à feu qui, avec son fusil, qui recule de plusieurs mètres. Il a largement, enfin, il était plus éloigné que les autres, donc ça lui posera aucun souci. Toutefois, les deux premiers mecs sur le côté, donc il y en a un qui est équipé d'une massue, l'autre d'un stylet, donc en fait, c'est exactement la même arme que Abby. Eux, ils ont absolument pas le temps de se décaler. Par contre, celui que je décrivais comme étant une espèce de gros tas là, un ancien. Ancien anabaptiste, lui est obligé de se décaler sur le côté. Il arrive à se décaler suffisamment à temps, mais du coup ça le rapproche au final de Mokosh et Abby. D'accord. Pour pouvoir esquiver l'attaque. Étant donné que tu as fait un déclencheur, c'est bien ça ? Oui. Tu vas faire un dégât supplémentaire. Donc ce qui fait que tu fais 9 dégâts et, si je me souviens bien, 3 dégâts par tour. Et ensuite, étant donné qu'on se retrouve dans un bon JDR bien cliché, on va pouvoir effectuer ce qu'on appelle un test d'initiative. Oui. Donc là, ils ont pris 9, dans... 9 dégâts. Ah, ouais, moi, j'ai appris à aimer les tests d'initiative, ça. Oui, c'est ça. Alors, test d'initiative, je vais faire un rapide récapitulatif. Pour commencer, vous avez le droit de dépenser de l'ego. Jusqu'à 3 points d'ego qui vous permettront de... Mais t'avais le document pour ça. C'est ça, pour chaque point d'ego dépensé, vous pouvez ajouter un dé à votre première action, également un dé au jet d'initiative. Alors ça c'est à ajouter à ce qu'on avait déjà utilisé la dernière fois. Pardon ? Comme la partie d'avant, on avait utilisé des points d'ego, je crois, non ? Mais alors là, en fait, tu peux dépenser jusqu'à 3 points d'ego. Chaque point dépensé, donc c'est par exemple si tu dépenses 2 points d'ego, permettra d'avoir un dé supplémentaire au test d'initiative, également un dé supplémentaire à ta première action. Oui, oui, ça je sais, mais en fait, c'est juste par rapport à la session qu'il y avait juste avant. Oui, rien n'a été juste assez. Mais il l'avait écrit, tu veux qu'on remette les... Ah oui, c'est ça, je l'ai republié de temps en temps, je crois que je les ai même... Ouais, je les ai encore ici. Je me rappelais plus, en fait. Excuse-moi, oui. Abby, sachant qu'Abby a dépensé 4 points d'ego sur 10, Mokosh, aucun sur 12, et toi, Toric, également 4 sur 10. Je tiens à vous préciser quand même, même si l'on a enchaîné plusieurs combats à chaque partie, c'était parfaitement envisageable que vous posiez quelques jours, non, quand même... Oui, après cette aventure, je pense qu'on va... Oui, c'est ça, voilà. Si jamais vous pouvez vous permettre d'en dépenser quelques-uns quand même, ça veut pas dire que dès la prochaine session, on enchaînera de nouveau avec un combat, en mode, il faut un combat par partie, quoi qu'il arrive. Moi, je vais en dépenser deux. Bien évidemment, dépenser beaucoup de points d'ego restera toujours un effet à double tranchant. Plus réaction, plus modificateur... Si... Je vais en prendre deux, au pire. Psy, c'est psyché, c'est ça? Pardon? Psy, c'est psyché. C'est ça, psy, c'est psyché. Ouais. C'est psyché et réactivité. Ouais. Donc, je demande à chacun déjà de me dire combien de points vous dépensez, ouais. Et ensuite d'effectuer votre test. Moi, je mets deux points d'ego. Deux points. Je mets deux aussi. Moi, ça fait, je laisse 7 des 6. Ok. Je Sachant vois. Que les ennemis vont également dépenser des points d'ego. Oui, ils n'ont pas le droit, c'est une interaction de joueur. Ah oui, je rappelle aussi que tous les deux ouais. déclencheurs... Attends, dis rien. Par tranche de déclencheur que vous obtenez, vous avez le droit à une action supplémentaire ce tour. Voilà, ça c'est pour moi, ça. Eh ben ça, c'est pour moi et c'est pas un copier-coller, je le promets. Ben moi aussi. Ah ouais, c'est pour moi. Et j'ai fait ça avec Dice Lock parce que j'avais pas envie de jeter cette fois mes dés et je vais rester sur le simulateur de jet de dés. Ah non, t'es... désactive le mode réussite. C'est ça qu'il te faut sur LG en fait. Ouais, non, c'est ça, on va arrêter les autres trucs, je les graisse juste sur DiceLock.com, je fais des jet de dés magnifiques. Là, comme on a des deux déclencheurs, alors, ça fait des trucs sympas. Dans moi non plus, il ne s'agit pas de... Alors attends. 2 d'ego, 6 succès. Oh ah oui! Voilà. Je ne lance plus mes dés, ça sert à rien les dés. Je lance que les dés. Alors, je précise aussi également, suite à. Merde, j'ai oublié de noter. Suite à la réussite de Abby. Que 4 ennemis supplémentaires qui étaient restés en retrait apparaissent. Je suis trop content. Alors. Ah, c'est bien, il n'y a pas de déclencheur pour l'instant. Donc, tout va bien. Alors, l'homme aussi, excusez-moi. Donc, je vais lancer. Tu vas voir, les mecs au ciel, ils vont faire 9 déclencheurs. Je vais essayer à faire des ennemis pétés. Pour l'instant, minimum, ils ont lancé chacun 9 dés d'initiative. Et ils font des jeux plus pourris que les vôtres. Mais putain! Non, ça va. Pour l'instant, j'ai 3, mais j'ai 2. Hein. Il y en a un, il a fait faire un échec critique. Les ennemis qui font. Ah, bah voilà! Donc, nous nous retrouvons avec l'homme stylé qui vient de faire 5 réussites, dont un déclencheur. Bah voilà, je te l'avais dit. Malgré ses blessures. Il est déjà entamé. Ce qui veut dire qu'il n'a toujours pas subi de blessures de traumatisme. Et enfin, l'ancien Anabaptiste qui, lui, va dépenser 3 points d'ego pour jeter 8 dés. Je vais lui casser la gueule. Ah mais eux, ils sont fous. 1, 2, 3, 4. Et j'en lance 2, puisque je dis qu'il est... Oula, 1, 2, 3, 4, 5, 6 réussites, dont un déclencheur. Personne n'a fait mieux que moi, je suis désolé. Et en plus, tu peux jouer deux fois, ça, non? Oui, je vais même jouer trois fois. Je savais même pas que c'était possible de pouvoir jouer trois fois. Ah oui, parce que c'est des séries de deux déclencheurs. Ouais, tous les deux déclencheurs, elles gagnent une action. Ouais, elle va tuer tout le monde, On ne dit pas que dépenser de Lego ça sert à rien parce que sans ça. Oui. Et surtout que tu. Au début j'ai compris de Lego. Sur ton premier jeu, tu vas rajouter 2 dés, c'est ça? Oui. Oui, en plus le nombre de points que vous avez dépensé en Lego, ça fera un bonus à votre première action. Ouais. Nous allons donc pouvoir tirer l'ordre d'initiative. Alors. Abby x 3. L'Anabaptiste. Non, l'Anabaptiste commence. Je vais juste. Hein? Ouais, l'Anabaptiste a fait 6 réussites. Bah, moi aussi. Alors... C'est juste que Abby a fait full déclencheur, donc en fait, elle va taper trois fois, quoi. Et voilà, alors s'ils ont fait tous les deux 6 réussites... Non, elle a pas fait 6 réussites. Mais si, j'ai fait 4 réussites. Ah mince, autant pour moi, je lisais la ligne de Mokosh. Ah oui, non, c'est Abby qui a tué. Ah bah oui. Déclencheur, oui, autant pour moi. Attends, alors... On a failli se faire blouser. Ça, c'est le jeu où, en fait, réussir, ça sert à rien. Non, excusez-moi, je lisais la ligne de... Je croyais que t'avais fait 4 réussites. Donc, 4... oui, j'ai joué, en plus, ça aurait été très improbable. Nous avons donc Abby, qui va jouer 3 fois. Oui. Sachant que le bonus n'est que sur la première action malgré tout. Oui. Ensuite. Mon premier joueur. L'ancien Anabaptiste. L'Anabaptiste. La. Suivi de. Du stylet. 5 réussites. C'est l'homme au stylet. Qui a déjà subi 9 dégâts. 9 sur. On sait pas. Alors, comment tu fais pour nous départager tous les deux? Alors, ensuite, alors, attends. Dans ce cas-là, c'est qui a le plus en psyché réactivité? Non, autant pour moi, non, dans ce cas, ça veut dire juste que vous jouez en même temps. Ça veut dire que vous allez d'ailleurs pouvoir, si vous le souhaitez, effectuer une action combinée. Et encore une fois, je n'ai pas le plus parce que je sais pas comment on le fait avec mon clavier, étant donné qu'il n'est pas affiché sur. And Toric et Mokosh. Puis en simultané, le tireur et l'homme à la massue. Je sais pas qui est plus dangereux, ça m'énerve. Pardon ? Non, ouais. Je suis en train de me dire, bah du coup, sur qui je fonce, mais comme je sais pas qui est plus dangereux immédiat. C'est quoi comme arme l'anabaptiste qu'il a? L'anabaptiste possède un espadon. C'est globalement la même arme que Mokosh. Ça fait très mal. Oui, maintenant il y a toujours le fameux retour de si jamais t'arrives pas à faire deux déclencheurs quand tu tapes, tu te chopes un malus. Mais dans tous les cas, nous allons commencer avec Abby, et Abby tu as le droit à 3 actions. Après, je n'irai. Enfin, l'ancien anabaptiste joue juste après moi. Donc si jamais je m'attaque à lui, je pense qu'il va me contre-attaquer, comme ça ils font à chaque fois. Et je vais pas survivre au coup d'épée, alors vous allez attendre. C'est lui qui est le plus proche de toi, non? Oui, maintenant je vais rajouter une autre règle aussi qu'il faut que je. On en a jamais parlé, mais elle existe. Je remets le plan pour que vous compreniez un petit peu. Mm-hmm. Donc là, actuellement, l'anabaptiste, c'est légèrement, comme je disais, décalé de toi, Mokosh, et de toi, Abby. En fait, il y a aussi un système de déplacement. Alors, on calcule pas en mètres, mais simplement, on va dire qui est à portée, qui n'est pas à portée. Si jamais t'attaques un ennemi qui est pas à ta portée, donc tu te déplaces, ta première action va subir un malus de 2 en D. Par contre, tu seras également plus difficile à toucher pour tes adversaires. Ça va augmenter ta défense passive en fait, étant donné que tu vas te déplacer, que tu vas être en mouvement. Okay. Donc maintenant de ton côté, ça peut être un parti pris de te déplacer. Et même si tu as un malus sur ta première action, par exemple de pouvoir taper un ennemi et puis de repartir en fait en 3 actions, tu peux largement te le permettre. Et de toute façon, contrecarré par mon bonus, donc je m'en fous. Oui, et dans l'idée par exemple, tu pourrais taper l'homme qui est là au corps à corps, te déplacer et attaquer un des hommes derrière qui vient de se faire tirer dessus, et par exemple retourner au niveau de Toric, ou alors rester au corps à corps et retaper un autre ennemi par la suite avec ta 3ème action. Bah, moi en tout cas, je vais penser à Toric immédiatement, et ce que je vais faire, c'est que je vais taper quelqu'un qui n'est pas à ma portée, puisque je vais aller chercher le mec tout au fond derrière le tireur, et je vais essayer de passer entre les autres pour foutre des coups de stylet dans sa gueule. Ok, très bien. je m'inspire de Mokosh tous les jours. Je vais te demander, s'il te plaît, un jet d'agilité, mobilité. Étant donné que si jamais tu peux rejoindre le tireur, tu es quand même obligé de passer au niveau de la Baptiste. Okay. Et qui est clairement dans l'idée de le protéger en fait. Hein. Forcément, Est-ce que oui. Alors est-ce que il peut pas, elle peut pas profiter en fait de l'effet de surprise, parce que je pense qu'ils s'imaginaient pas qu'ils allaient se prendre un masse. Alors ils s'y attendaient pas, mais malheureusement non. L'anabaptiste, enfin ils savent ce qu'ils font et il est clairement capable de. D'accord. Ok, de réussir un déclencheur. Et ça va être en opposition avec. Ah putain, en opposition. Le truc, c'est que je vais lancer que 4D du coup. Quand j'ai ouais. Et en fait, je sais pas vraiment avec quoi ce qu'il faudrait que je mette en opposition. Je pense, j'hésite. Ouais, je pense un autre. Ah, peut-être physique, lutte. En soi, pour qu'il essaie de t'attraper au corps à corps, enfin en tout cas de t'intercepter. Je vais me faire niquer. Alors. En tout cas, je le découvre juste après. J'aurais su, j'aurais fait ça en deux temps. Ouh. Ah non, seulement deux réussites du coup. Eh bien, ça passe. Donc, Abby, tu te précipites. Tu vois le mec, mais malheureusement, il est gros, il est lourd, il possède déjà un espadon, il est incapable de te choper. Hop là, petit dérapage sur le côté, t'arrives à l'esquiver tranquille. Et tu fonces au niveau du tireur. Oui. Tu possèdes du coup un malus de 2D à ton attaque. Plus 2D, parce que c'était le nombre de points d'ego que t'avais dépensé. Quoi ah oui, d'accord. Oui, en fait, du coup, ça s'annule. Oui. C'est comme un double plagiat. Oui, non. Là, je pensais que c'était déjà sur l'agilité, le bonus et malus, mais comme de toute façon ça change rien, c'était pas grave que je l'ai compté maintenant ou pas. Donc, donc du coup, maintenant je fais ma mêlée. Donc j'ai lancé 5. Juste du coup, Mokosh, tu n'as pas dépensé d'ego de quoi si, il a dit 2. Tu n'as pas dépensé d'ego, Mokosh? Si, 2. Oui, j'en avais dépensé 2. Ok, très bien, c'est juste pour savoir. Je mets à jour le, 2, le tableau d'ego et des PD. Ouais. Qui d'ailleurs, justement, j'en parlais à l'avenir, sera sans doute sur un channel à part, comme ça, ça sera plus pratique de s'éviter à chaque fois de devoir tout reposter. On va créer des salons privés où il y aura que nous. C'est ça. J'ai déjà créé le rôle de Genesis, j'ai juste pas. Moi, j'ai fait 3 réussites. Aucun déclencheur. Aucun déclencheur, quoi. Dommage, parce que ça t'aurait permis de réattaquer grâce à. Ouais, je sais si je faisais de déclencheur. Mais j'ai encore des actions. Oui, oui, c'est ça, en soi, on est pas à ça près. Oula. Alors, je ramasse les dés que je trouvais par terre. Je déteste les combats, j'ai l'impression que je vais crever tout le temps. Et nous, on va partir sur une défense passive. Donc, une défense de 1. Ouais. Lui veut faire mal, lui. Bah, étant donné qu'il a un fusil, oui. Défense de 1, donc tu le blesses. Ah. Bam, okay. T'arrives, ça touche. Coup de stylet, t'arrives à le planter. Enfin, bien le. Tu sais, tu le fous un. Presque en fait tu le fouettes avec le plat de la lave au niveau du ventre, enfin, au niveau du flanc. Ouais. Et ça lui fait combien ça? Pas beaucoup je crois. Alors simplement bah écoute on va faire un calcul de dégâts, c'est tout ce qu'il y a de plus con. Ouais mais c'est deux fois la force divisée par 3, la force j'ai 2 donc ça fait 1 donc ça fait 2 dégâts quoi. Je vais tuer personne. Non, attends. Non tu as 2 plus force divisée par 3. Non, oui, non, 3. Ça fait 3. Oui, ça fait 3, mais étant donné. En effet, oui, normalement, c'est augmenté par les déclencheurs. Tu n'as pas fait de déclencheur, donc en effet, tu ne fais que 3 dégâts. Et moins, et je suis désolé de te l'annoncer, 1 point d'armure. Je m'en fiche, moi aussi, j'ai une armure maintenant. Hop là. Okay. Très bien. Et ben, ma deuxième action, c'est. Deuxième que... action. Maintenant, tu peux l'over attaquer une deuxième fois si tu le souhaites. C'est prévu et je charge. Ok, et maintenant, dans ce cas-là, tu relances tout de suite. Je suis une furie. C'est bien. Ah, je suis soutenu par mon coach. 1, 2, 3. Oh, ça j'aime. Ah. Oh, 4 réussites de déclencheur. Encore une fois, la défense était passive. Eh, franchement. Gossed, arrête de lancer TD, va sur Deathlog. et donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est le double combo que tu vas faire. Parce que d'un côté, en plus des 3 dégâts que tu fais, qui sont augmentés de 2 grâce aux 2 déclencheurs, il peut relancer car c'est la capacité de son arme. C'est que s'il fait 2 déclencheurs, il peut relancer avec un malus de 2D. C'est ça, avec un malus de 2D. Donc là, je fais 5. 3D6 du coup. Je peux parler en termes de dégâts du coup. Oui, t'inquiète. Ok. Du coup, ça fait. Malheureusement, je pourrais pas enchaîner, je crois. Mais je suis content quand même. Putain, ça a fait 2 dés encore là. Encore une fois, la défense était passive, donc tu fais des dégâts de 4. Donc là, il s'est mangé combien en tout, là, pour l'instant, il s'est mangé 11. Il doit être. Oui, donc là, alors là, clairement, Abby, tu viens de l'enchaîner, mais de manière très très vénère. C'est-à-dire que tu lui laisses à peine le temps de pouvoir empoigner son flingue. Enfin, donc, d'ailleurs, qui clairement est un fusil de chasse, donc il se tient à deux mains. Tu l'enchaînes de coups. Évidemment, le premier au début, il faisait son fier. Mais c'est compliqué de viser un ennemi, enfin, quelqu'un qui est au corps à corps avec toi. Et tu l'enchaînes bien méchamment. Du type, c'est sûr que dans tous les coups que tu l'as mis, il y en a bien un qui a dû transpercer quelque chose de vital quelque part, quoi. Ah, mais surtout, je compte. Enfin, je veux dire, même si le mec il est bien dosé, je pense qu'il en est trop mal, là, déjà. Oui. Je vais pas te mentir, oui, là, t'es arrivé au niveau du trauma, quoi. C'est vraiment vénère, là, ce que tu viens de lui. Et il te reste une action, du coup, si je dis pas de bêtises. Oui, mais là, j'hésite beaucoup entre soit j'y vais en mode furie, soit je me garde quand même la défense, parce que... Alors, on va pas se mentir, un fusil de chasse. Oui, mais d'un côté... Entre 10 et 20 dégâts. Et justement, oui, mais justement, je peux pas te dire combien celui-ci fait. Mais lui, il joue à la fin, lui. Oui. Bah, en fait, ce que tu... là, mon calcul, c'est plus soit... C'est plus anabaptiste qui va être... Oui, mais en effet, ça peut être pas con, soit d'essayer d'utiliser cette action pour se redéplacer, au risque de devoir refaire un jeu de mobilité, soit au moins de la garder pour faire une défense active si jamais il essaie de tirer dessus. Bah c'est ça, en fait le truc c'est que là mon calcul c'est soit j'utilise mon attaque pour tuer le tireur et comme ça je suis sûr que le fusil est hors d'état de nuire, quitte limite à le lancer à Torix s'il veut pour tu sais le temps du combat ouais. Et ça, il tire avec. Ah bah je suis sûr que tu t'amuserais. Soit vraiment de jouer la défense et de prévoir les esquives. Ah putain, c'est vrai que là c'est très compliqué, j'hésite énormément. Bah, de toute façon, clairement, c'est plus... pour toi le danger réel là tout de suite imminent, c'est l'anabaptiste. C'est pas le... C'est alors l'anabaptiste du coup lui est plus a priori, enfin il va plus affronter Mokosh. Oui, mais, dire, habillé... soi, mais oui, en effet, il y a des chances qu'il se retourne pour tenter de... Parce que le tireur il joue qu'à la fin. Et c'est oui, c'est ça. Le dernier à tirer, on sera passé nous dessus après, enfin... Oui, j'avoue, dans ta logique, le danger. Donc, l'anabaptiste est celui qui est le plus dangereux, en fait. Oui, mais. Ah, bah oui, bah après, c'est ce qu'il faut. Hein. Enfin, en même temps, après, t'as quelques secondes pour réfléchir nouvelle armure, hein. En soi. Tu as quelques secondes normalement pour réfléchir. T'as pas le temps. Tout à fait. Bon. Bien sûr, on est. Même si le combat se passe en temps réel et que là, c'est dans le feu d'action. En tant que joueur, vous pouvez vous permettre de prendre quelques secondes pour réfléchir à ce que vous voulez faire. Alors, en fait, alors, je suis pris entre le goût du risque et m'amuser à balancer un fusil à Torix pour qu'il s'amuse. Oh, le truc épique, c'est genre... Mais de l'autre, c'est vrai, je me dis, enfin, genre, si je bute le tireur et que derrière l'anabaptiste me défend, je risque de me morter très vite. Mais attends, si il venait à faire ça, mettons, il arrive à buter le tireur, il veut me lancer le truc. C'est une action de lancer un objet. Non, une action, c'est plus vraiment quelque chose de long. En soi, lancer un objet, ça se ferait sans doute avec un malus, si jamais il le fait en dehors de ses actions, mais oui, ça peut se tenter. Ça sera juste sur un jet de dé, quoi. Donc il fait... D'accord, ça serait dans la foulée de ce qu'il a fait. Un test de dextérité. D'accord. Ah putain, le truc c'est genre... Allez, est-ce que la Baptiste serait assez con pour essayer de me tuer et tourner dos à Mokosh? Regarde. Ah bah, là je te cache pas qu'en réfléchissant ce que pourrait faire la Baptiste, en effet de son côté aussi, il est censé protéger son chef. Donc, on va pas se mentir, hein, ça se voit clairement, il y a les trois qui sont devant l'autre, c'est pour le protéger. Oui, mais en même temps, oui, c'est vrai que tourner dos à Mokosh, c'est pas ce qu'il y a de plus malin. À partir du moment, oui, surtout que si c'est un anabaptiste, il connaît les anabaptistes, il connaît l'arme de Mokosh, et il sait que lui tourner dos... Moi, clairement... Non, mais... putain... Ça me casse les couilles, il y a mon cœur qui me fait « Mais vas-y, amuse-toi à le buter !» Et l'autre côté, je me dis « Ouais, mais si je perds mon perso là-dessus... » Ça ferait mal, parce que les anabaptistes, je connais leurs armes grâce à Mokosh. Un espadon, ça fait mal, un coup d'espadon. Ouais. Et l'espadon, il a pas fait de deux actions, il n'y en a qu'une seule. Oui. Il n'y en a qu'une seule, par contre. Ouais. Et la défense, alors je suis désolé, la défense passive, ouais. Du coup, c'est... Alors, la défense passive, normalement, elle est de 1. Plus ah oui, l'arme. Non, d'ailleurs, j'ai oublié, Yassine n'était pas de 1 et de 2, parce qu'il était actif et debout. Mais dans tous les cas, t'as toujours dépassé 2. Oui. Le minimum que t'as fait, c'est 2 avec un déclencheur, donc ça passe. Ouais, donc moi, tu vois, genre, ma défense, c'est de 1. Alors, ta défense, elle est de 2, de base. Ouais. Mais étant donné que tu viens de te déplacer, donc tu viens de faire de plus... Ah oui, plus de 2 mètres de mouvement, elle augmente de 1 également. Okay, ah oui, 3. C'est vrai que du coup, j'ai une oui. défense... C'est ça, t'as eu un malus sur toi. En fait, ça c'est intéressant, cette mécanique, c'est que... On va pas s'amuser à calculer les mètres que vous allez parcourir, c'est juste qu'en fait, si jamais tu fais un long déplacement, t'as un malus à ta première attaque, enfin normalement ouais. T'as qu'une seule attaque, contre, mais t'as un bonus à ta défense passive. Parce que du coup, ça veut dire que là, il faut qu'il fasse 3 pour me toucher, c'est ça? C'est ça, il faut faire un 3. Ouais, mais c'est il pas va non avoir... plus infaisable, mais en défense... Enfin, sauf si tu fais une défense active. Si tu fais une défense active, là, c'est évidemment si tu fais... Ouais, mais dis-toi que sur son jet, il va avoir les points d'ego qu'il a dépensé en plus. Donc il va avoir beaucoup de dés. Oui, c'est vrai, qu'il a... c'est vrai que c'est la première action, donc il a encore l'ego. Ah, elle est compliquée cette décision. Enfin, c'est, y a mon cœur qui me dit vas-y, fais n'importe quoi. Et il y a ma tête qui dit ouais, mais bon, si tu crèves là-dessus, t'es con, quoi. Attention que la Namatis, t'as fait 6 réussites. Ouais, mais tu sais quoi, après tout, je suis un apocalyptique, hein. Je ne suis pas un mec comme toi, là. un hospitalier. Et moi, je suis là pour le fun, je veux dire, mourir, c'est pas grave. Donc, c'est quoi, j'ai suis la dernière attaque pour tuer le tueur. T'enchaînes, et bien tu peux lancer tes dés, donc un test. Bah là, du coup, je vais en lancer de nouveau 5. C'est ça, elle fait en fait, c'est ça, 2 plus 3, 5. Oui. Tomoko, je vois Abby au loin qui est en train de se battre comme une. C'est trop bien. J'adore Dice Log en vrai. Non, mais là, juste avec ça, il est mort normalement. Alors, déjà, avec ça, on va passer. Enfin, normalement, je veux le dire avant, mais j'avais prévu de le faire avant. On va passer sur une défense active. Malheureusement, il est obligé de faire sauter ton action là, parce qu'il est en train de se faire défoncer la gueule. Oui, je me doute bien que là, tu vois, genre, il me voit, genre, on lui fout des coups de scie dans la trachée, à un moment, il va faire bon, écoute. Alors, et en défense contre du corps à corps, il a le droit à 6 dés. Ah putain. Allez, ouais, ouais, c'est un mec plutôt agile, mais étant donné qu'il a déjà une blessure de traumatisme, il n'en lance que 5. Ouais, mais il fera pas 4 réussites. 3 réussites, voilà. Dont un déclencheur. Yes. Donc ça passe. Yes, yes. Et en plus du coup je peux retaper. Et il est mort. Alors. C'est une fois je retape. Hein. J'ai l'action. Du coup, en effet, on peut de nouveau calculer les dégâts simples. Ça fait 3 du coup, normalement. 3. Enfin tu as 3 de base, mais vu que plus ton nombre de déclencheurs, t'en as fait 2. Oui. Ah oui, putain, mais merde, donc tu passes à 5. Ah oui. Il est mort. Et. En effet, on vient de passer pile poil son stock. Donc là, dernier coup d'épée, bam, tu vois, tu lui plantes entre les deux yeux. Oh. Genre littéralement, la lame vient de transpercer son crâne. Enfin, il y a un petit espace qui est traversable où il n'y a pas d'os. Est-ce que le bonus du stylet. Alors, je peux du coup réduire d'un dé le malus pour jeter l'arme à Atori. Bah, justement, c'est ce que j'allais te proposer. Moi, ça me paraît un deal. Hein. T'as utilisé ton arme, donc c'est vrai que t'es dans le feu d'action. Enfin, moi, quoi, vraiment, là, au loin, tu viens de voir Abby. Qui vient de courir et qui vient d'enchaîner le mec avec son putain de fusil de chasse de merde. Moko, je suis dans cette. Ah, j'ai une bonne influence sur elle. Ah, c'est bien. Qui crie, je suis une mousquetaire. Juste avant que elle-même, bon, ça on verra ça dans son action, mais s'en prenne certainement à la Namatis en mode. Bon, on chaque chose en son temps. vas-y, bon, fais-moi un petit jet agilité, dextérité. Ah putain, j'ai 6 dés plus le malus du coup il est de 1. Ah oui, alors du coup, moi pour moi ça partait sur un malus de 2. Et du coup, j'ai en effet réduit de 1 étant donné que t'as réussi les déclencheurs, moi ça me paraît un bon deal. Hein. En fait, en soi, c'est une action en deux temps donc ça se cumule. Ouais. Donc voilà. Donc 5 dés. C'est ça. Je copie mon ennemi. 3 RD1. Et moi de mon côté. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire simplement un. Il va sauter pour essayer de choper l'arme. Oh putain, non. Mais non, en fait, non, justement, ce que j'allais dire. Non, dans ce cas-là, j'aurais ça, fixé ça. Alors, je m'en rappelle plus. On va faire ça, je pense que j'aurais fait une difficulté en soi moyenne. On va voir à combien ça correspond. Difficulté moyenne, c'est 3, donc ça passe. Oui. Putain, yes. Toric, amuse-toi. Alors, je risque mes cartouches dedans. Alors, je te cache pas, Doric, ça t'arrive à quelques. Genre, ça t'arrive pas de réroi non plus. Donc, pour l'ramasser, si tu tires avec lors de ta première action, t'auras un malus. Dans tous les cas, avant ça, on va passer à l'ancienne Anabaptiste. Oui, allez, il faut pas qu'il me prenne en compte. J'ai tué son chef, c'est trop tard maintenant. En effet. Et étant donné qu'il était dévoué, il va perdre de l'ego. Oui. Je suis tellement en mode, je sauve ma vie. Et l'anabaptiste, lui, du coup, il décide de ne pas tourner le dos à Mokosh et de l'affronter tel un vrai. Enfin, l'anabaptiste, c'est plus un anabaptiste, mais tel un vrai. Non, il est mort l'autre, donc. Un vrai bandit. Et alors, Mokosh, est-ce que tu choisis de te défendre de manière active ou passive? Ah, mais t'avais fait deux déclencheurs aussi? Oui. Mais vous avez tous fait deux déclencheurs, vous aviez tous deux actions. Moi j'en ai. Oui. Ah oui, non, mais clairement. Détails. Oui, donc, en fait, mon coach là, à toi de choisir, est-ce que tu souhaites te défendre activement ou passivement? C'est quoi déjà la différence? Tu peux me... Alors la différence, c'est que la défense passive actuellement pour toi elle s'élève à 2. C'est-à-dire qu'en gros il devra faire un test avec une difficulté de 2. Sachant qu'il va lancer sans doute beaucoup de dés. Alors qu'une défense active, ça va toi te permettre de défendre en lançant tes dés. Donc de faire une opposition, par contre ça va te bouffer une action. Mais t'en restera une étant donné que t'as réussi à faire deux déclencheurs. Je prends l'action. Ok, très bien. Donc là ça va être une opposition simplement. Attends, c'est des jets de quoi déjà ça? Toi bah je pense que ça va être corps à corps aussi, hein, ça va être corps à corps contre corps à corps. Je vais jouer quand même, mais alors. Corps à corps, c'est le bras ou c'est ça? Oui, c'est ça. Alors attends, je crois. Ah non, c'est mêlé. Ah, c'est mêlé, ça. De souvenir, c'est mêlé. En fait, non, le truc, c'est que t'as le choix entre parer ou bloquer. Donc en fait, c'est soit tu fais corps à corps, soit tu fais lutte. En fonction de ce que tu choisis. Attends, qu'est-ce qui correspond à quoi des... Alors, soit tu peux défendre soit avec physique corps à corps, soit avec physique lutte. Donc, en anglais, sur les fiches en ligne, il va s'agir de soit body mêlée, soit body brawl. Et... Oui, je prends mêlée, c'est bien la mêlée. C'est ça, et en plus de mêlée, l'avantage que si tu fais, je sais plus, je crois que c'est 3 déclencheurs, tu blesses ton assaillant, parce que c'est une contre-attaque. Très bien. Et bah, c'est ce qu'il va avoir. Non, c'est vrai? 3 réussites, c'est 2 réussites pour déclencher. Ce soir, c'est tellement une bonne session. Alors attends, si jamais il arrive à faire plus que 3 réussites, l'attaque passe et donc il peut pas contre-attaquer. C'est seulement s'il réussit sa parade et qu'il a 3 déclencheurs qu'il arrive à faire une contre-attaque. C'est triste. Alors, et lui de son côté, il va attaquer avec son espadon. Et bah, du coup, ça passe. Putain, mais c'est vraiment des ennemis pétés quoi. Non, ça passe. Non, mais je veux dire, du coup, ça passe pas. Enfin, la contre-attaque passe. Oui, c'est ça, c'est trop bien. Ça veut dire que là, l'ancien Anabaptiste donc, s'approche de Mokosh avec son espadon, lui donne un vieux gros coup de bourrin. Donc, déjà, vu que ce gros con il a pas fait de déclencheur à cause de la capacité choc, il va perdre sa prochaine action. Mais je sais même pas si on aura de prochaine action. Ah putain, il est tellement bon. Et il se prend un vieux coup d'espadon. Donc d'ailleurs, comment est-ce qu'on va calculer les dégâts? Donc ça fait combien de déclencheurs? 3. Sachant que Mokosh fait des dégâts de base de 8 plus sa force divisée par 3. Donc ce qui fait 2 plus 8, 10 plus 3, 13. Bon. Putain. Et ça, sans qu'il ait fait quoi que ce soit pour l'instant. Oui, donc ça veut dire que l'ennemi est littéralement... enfin. C'est limite, elle a pas réussi à le couper en deux, quoi, en contre-attaquant. Non, mais c'est ouf parce que Mokosh a fait quasiment autant de dégâts que moi en 3 attaques, tu vois. Sauf qu'elle, elle a même pas attaqué, elle a même pas commencé à jouer. Mais oui, c'est ça qui est marrant, c'est Mokosh, elle est... En plus, elle, comme une bourrine, tu vois, elle a fait au début de session, oh l'XP, oh je le mets dans les dégâts. Allez, l'homme stylé de son côté, lui, se précipite sur toi, Torik, et s'apprête également à t'attaquer avec son style. Oh, c'est à nous de jouer, là. Non, il joue avant toi. Avant? Oh, merde. Il a une action avant toi. Sachant qu'il est blessé, il vient se prendre ta grosse déflagration dans la gueule. Mais il tente quand même. Est-ce que tu choisis de te défendre activement ou passivement? Pareil, même problème que Mokosh. Bah oui, avec activement, de toute façon, là... Très bien, donc, vous perdez chacun. Une action. C'est body et mêlée, je sais pas quoi. C'est ça. Body mêlée ou body brawl. Enfin là, je pense que vu que tu te défends encore à corps. Ouais, body mêlée, ouais. Ah, par contre, du coup, vu que tu équipes ton dilacérateur, j'imagine, pour te défendre. Bah ouais. Parce que là, tu subis juste un malus de 2D quand même. Juste de 2D. Ouais. Ouais, mais dans ce cas-là, moi, tu l'auras pas. Heureusement que j'ai mis actif, parce que sinon j'en avais plus. Non, passif, du coup, tu le gardais quand même. Mais au moins, en fait, ça t'évitera d'avoir le malus lorsque tu seras avec. D'accord. Parce que là, le changement d'arme, il se met maintenant. Ouais, j'ai un succès. Tout. Un succès. Lui, jette 6 dés. Ça a piqué. 5 succès dont un déclencheur. Ah non merde, je suis con, c'est des 3. Donc ça merde, putain. Bah un succès dont un déclencheur. Du coup t'as fait un succès toi aussi. Bah oui. En fait j'ai fait 4, 3, 1, 2 et 1, 6. Non mais non mais non mais merde. Je sais quoi. Mais ça passe lui non? Non ça passe pas. Ça passe. Je sais plus. Attends, c'est en cas d'égalité. Ouais mais est-ce que c'est égalité sur le succès ou égalité succès déclencheur? Alors attends, tiens, d'ailleurs j'y pense juste, j'avais oublié un détail. Mais c'est pas grave, c'est... Ah oui, non, attends pour moi, je voulais vérifier que l'anabaptiste n'avait pas pendant rien. En vrai, tu sais, genre, ils étaient là, ah, on va vous tuer. Ouais, bon. Bon, on les a prévenus, hein, ils nous ont pas écoutés. J'avoue, moi. Eh bien, dans ce cas-là, je vais simplement... non, l'attaque va passer. Mais oui, donc, tu vas subir 3 dégâts, moins ton armure. Alors, c'est pas ça qui va te tuer. Elle est combien en armure? Elle est de 2. Ok, donc tu subis une blessure superficielle. Il t'en faut encore 9 avant de subir des blessures de traumatisme. Est-ce que tu peux juste. Étant donné qu'il n'a pas fait de déclencheur, il ne peut pas utiliser régularité, qui est la capacité que va activer. Et là, il est juste à côté de moi. Là, maintenant, il est au corps à corps avec toi. Et là, en effet, en même temps, on se trouve. Abby et Mokosh et Doric, vous allez pouvoir attaquer en même temps. Corps à corps tout de suite, sans malus de rien c'est du ça. Tout. Ah. Bah je te laisse commencer Mokosh. Bah moi je vais finir mon bonhomme. Tu le finis? Ouais. Bon bah simplement lui il est en défense passive, il a 2. Tu fais plus de 2 réussites, ça passe. Ok, c'est quoi déjà les jeux? C'est attaque, donc là ça va être force mêlée. Ok, d'accord. Enfin, body mêlée. Mêlée. Ok, on va voir ça. Ça fait 5 réussites. Non, mince, body melee plus 2, étant donné que tu avais dépensé des points d'ego. Ah, attends, j'en rajoute 2. Ouais, wow, il y avait déjà 5 réussites. Qu'est-ce que tu kiffes? Ah oui, merde, 5 réussites. Bon, bah du coup, ça me fait 6 réussites, dont 2 déclencheurs. J'ai pas entendu, ça a légèrement bugué. Combien de déclencheurs? 6 réussites, dont 2 déclencheurs. Très bien, donc déjà, la capacité choc de ton arme ne sera pas activée. Ce qui veut dire que tu pourras attaquer à ta prochaine action, mais je pense pas que le combat durera un deuxième tour d'initiative. Étonnamment. Du coup, bah pareil, on va pouvoir se retrouver avec la joue à calculer les dégâts. Nous avons donc des dommages de 8, plus sa force divisée par 3, ce qui fait 10, plus le nombre de déclencheurs, ce qui fait 2... Putain... Ce qui fait 12 dégâts. Pour rappel... Abby avait genre 8 points de vie avant, ou un... Non, elle avait 6 points de vie avant. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que là, littéralement, tu one-shotais Abby avec ses anciens stats. Oui, c'est pour ça que j'ai compté ma... Mais littéralement, elle avait pas d'armure, elle avait 12 PV, elle était full life, tu lui donnais ce coup-là, elle mourait. C'est pour ça que j'ai augmenté ma résistance. Ça. Et quand je dis mourir, ça veut pas dire faut qu'elle fasse un jet de machin, sinon elle meurt. Non, c'est... J'étais coupé en deux environ. Elle mourait. C'est littéralement ce qui vient d'arriver au mec. C'est-à-dire que là, Mokosh, en se contre-attaquant, venait de lui faire une énorme entaille au niveau du bassin. Deuxième coup, elle le coupe en deux. Bah voilà. Magnifique. Bon bah c'est bon maintenant là. Tu sais, je suis sûr que s'il y avait un grand méchant dans l'histoire, tu sais, il regarde dans le combat, il fait « Bon, je peux changer de vie. » Il fait côté en arrière, c'est... Tu peux également agir. Bah bien sûr. Alors tu as l'arme à quelques mètres de toi, mais tu as également ton dilacérateur en main, donc je sais pas si tu veux t'en parler. Non, je vais pas m'embêter, hein. J'ai des dilacérateurs dans la main, on va y aller. Hein. Surtout qu'il a déjà pris 9 de dégâts, et est-ce que... Et qu'il va continuer de subir 3 dégâts par tour à cause des brûlures. Voilà. Donc c'est quoi, c'est body melee avec le dilacérateur? Pardon? C'est tu veux taper avec le dilacérateur? Oui. Bah je l'ai dans la main. Oui, c'est ça, donc body melee, donc pareil, tu lances 5 dés plus 2, étant donné que tu as dépensé 2 points d'ego. Donc tu veux me faire un G de 7. Bien, j'en ai 7 en tout. Ah non, 7 moins 1, c'est temps pour moi. Tu as la... c'est la maniabilité de ton arme qui te donne un malus de 1 quand tu l'utilises. Parce qu'un délai serrateur, c'est pas très... c'est pas... facile à manipuler. Et d'ailleurs, de souvenir, l'espadon aussi un malus, on l'a oublié, mais c'est pas grave. Ce sont ici morts. Alors... Mec, il restait 4 PV, il a subi 12 dégâts, il est mort, quoi. 4 réussites, 2 déclencheurs. 4 réussites, 2 déclencheurs, et donc là, putain, pareil, tu vas utiliser sa activité potentielle. Alors, 4 réussites, 2 déclencheurs, sachant qu'il se défend passivement, donc il se chope l'attaque. Donc là-dessus, on est d'accord, dans tous les cas, tu lui fais minimum 4 plus... divisé par 3, ça va faire... 5 dégâts. Maintenant tu as le choix, étant donné que tu as fait 2 déclencheurs, tu peux te permettre, si tu veux, d'activer ton potentiel lacération. Donc c'est celui du dilacérateur, c'est d'activer la poignée pour déplier les lames. En fait, tu fais 5 de dégâts, avec les déclencheurs tu rajoutes 2 dés. C'est-à-dire qu'avec les déclencheurs tu passes à 7. Mais en fait, ouais, avec le potentiel dilacération, tu peux, si tu le souhaites, au lieu d'ajouter 2, jeter un des 6. Et en fait, transformer ce résultat en dégâts supplémentaires. Ah, d'accord, donc à la place des plus 2. Ça veut dire que si jamais tu fais 1, tu feras moins de dégâts, mais à partir de 3, 4, 5 et 6, oui, bah là tu augmentes considérablement tes dégâts. Écoute, on est joueur, hein, ma foi. Vas-y, jette un des 6. 3. 3. Ok, t'arrives. Le mec, tu le plantes, t'actives la poignée, les lames se déplient à l'intérieur de lui. Bon, bah pareil, je te fais pas un dessin. Ça le coupe pas en deux, mais il est incapable de même putain de survivre à ça. D'accord. Je vous jure que quand j'ai fait les stats des ennemis, je me disais putain, je vais peut-être un peu loin quand même. J'en fais à 4 contre 3, ils ont une arme qui fait 20 dégâts, un fusil de psychopathe. Et donc là, en vrai, ça va les obliger à fuir, ça va alors leur montrer la dure réalité de la vie. Là, je leur fais des combats trop faciles. Bon. Il reste plus qu'un gars qui est déjà entamé. Et qui prendra 3 dégâts au prochain tour. Oui. Alors, j'ai supprimé les mots. Bref. Alors, on va pas se mentir. L'homme à la massue tente de s'enfuir. Oui, on est d'accord. Oui. Littéralement, ses potes viennent tous de se faire éliminer les uns après les autres. Il court vite. C'est des malades. Vous pouvez tenter de le poursuivre si vous le souhaitez. Il nous fait simplement un jet d'athlétisme plus physique athlétisme. Est-ce que je peux tenter le tir de avec le fusil qui m'a qui avait moi je suis donne ma puissance physique moi j'ai envie de dire les gars c'est beau jeu. Je peux tenter de choper le fusil de chasse. Je prends le fusil et je. Alors attends, d'abord je vais juste tenter un petit jet de physique athlétisme parce que si jamais il arrive à faire un minimum de distance t'auras un malus à cause de distance. Je m'en parcouru. Bonjour. Mouvement 8D. Putain, je vais pas vous faire une photo, mais je vous jure que je vais jeter les 6 premiers dés. Là, j'ai fait que des échecs. Donc, d'air, dont 1-1. Je relance 2 dés. Une réussite, putain. Une réussite, c'est pas un échec critique. Mais il s'enfuit de 2 mètres. Donc, il est clairement à portée. Doric, boule! Donc, en gros, là, agilité, arme à projectile. Agilité, arme à projectile, donc 5 dés. Quatre réussites, deux déclencheurs. Alors attends. Alors je vais t'expliquer. C'est-à-dire que, en fait, vraiment, ce combat quand je l'ai pensé, je vais vous dévoiler un petit peu les ficelles. Je me suis dit, vu qu'il est pas vraiment, enfin vu qu'il va être déséquilibré et que ça va être très dur pour vous, je vais mettre une arme très forte. Mais du coup, si jamais vous prenez, si vous avez arrivé à gagner, vous pourrez utiliser une arme qui fait beaucoup de dégâts. Je vais. 14 de dégâts. Non mais les gars, ça fait pas 14 de dégâts, ça. En fait, cette arme, donc c'est le fusil de chasse, qui possède une particularité. Alors en gros, justement, ça fait 10 dégâts. Mais ça possède deux particularités qui sont dispersion et double canon. La dispersion, globalement, on va passer de côté, c'est genre juste une sorte de dégâts de zone. Et ça dit que, en gros, si le mec est plus loin, est trop loin, ce qui n'est pas le cas actuellement, ça diminue les dégâts. Oui, normal. Actuellement, tu fais 10 dégâts. Multiplié, enfin, plus 2, étant donné que tu as fait 2 déclencheurs. Et le double canon, en gros, lorsque tu l'utilises, tu fais le double des dégâts, mais du coup, tu dois recharger deux fois plus souvent. Il était activé. C'est-à-dire que tu fais actuellement 24 dégâts. Auquel je retire un point d'armure. Je vais exploser sur place. Alors, en fait, mec. L'homme à la massue qui avait déjà subi des dégâts de 9. Plus, du coup, j'avais dit 24, donc non, plus 23. Ce qui nous fait un total de... De la bouillie. Attends. J'ai dit 23 plus 9, donc 32. Plus 3 par tour, parce qu'on a fini à cause des flammes. Cet homme vient actuellement de se prendre 35 points de dégâts en un combat. Comment on explose en un coup. Il avait 9 avec, points de vie et 6 points de traumatisme. Avec juste moi. Voilà, son torse vient d'exploser devant vous. Ça veut dire que le sang a giclé à moins 1 mètre de haut. C'est absolument dégueulasse. Mais tout le monde c'est est mort. C'est pas faute de leur avoir prévenu quand ils sont arrivés. Dégagez ou vous finirez Vous aviez raison, c'était eux, c'était vous qui étiez en position de négocier. Bon, il nous reste 3 minutes avant minuit. On se rappelle pas pourquoi en fait. Je remercie tellement Mokoj d'être parti, de m'avoir emmené dans son. Ah bah moi j'étais parti pour rester caché quoi. Ah, Mokoj. Ah, bah écoute. Alors, juste pour finir, alors, je pensais qu'on aurait le temps de retourner à la carafe histoire de. Que vous rencontriez le juge et que vous puissiez éventuellement vaquer quelques occupations du type prendre une bonne nuit, machin, pour vous restaurer et tout. Bon, malheureusement, à 3 minutes près, on n'aura pas le temps. Toutefois, en fouillant les corps, parce que j'imagine que vous allez le faire quand même. Oui, et moi, je vais voir s'il y avait quelque chose dans cette boîte en métal à la con. Oui, alors dans la boîte en métal à la con, tu vois juste une photo. C'est quand même assez rare à votre époque d'une personne, tu sais pas du tout qui c'est. Tu sais, alors, soit c'était un piège, il avait posé volontairement là et il vous attendait. Soit c'est juste en fait, ils ont saisi l'opportunité que vous soyez arrêté pour vous tirer dessus. Clairement, je garde la photo. Ok. Y a pas d'indication au dos ou dans la boîte Non, malheureusement, tu vois pas, ça a été effacé par le temps. Bon, c'est vraiment possible que ce soit quelque chose que quelqu'un ait laissé tomber en passant, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Mais toutefois, en fouillant justement les cadavres, vous trouvez déjà la coquette somme de 550 lettres de change. Oh, on divise par 3 cadavres. Plutôt fortuné. Je vous laisse disperser ça comme vous le souhaitez entre vous. Bon, on divise par 3. Également, l'un d'entre eux, le dernier, celui qui s'est fait exploser dans le dos, possédait une pierre précieuse. Enfin, une pierre qui a l'air précieuse, donc vous connaissez pas sa valeur, mais vous pourrez éventuellement négocier ça. Donc, une pierre. Ouais. Je vais également vous demander à chacun d'entre vous un jet d'instinct perception. Bien sûr. Quoi ? Instinct perception. Instinct, perception, alors attends, instinct, j'ai 3, perception, j'ai 1, ça me fait 4. 2 succès, un déclencheur. Bon, un déclencheur. Ça me fait 1, une difficulté de 3. Oh bah c'est pas pour moi. Je veux pas. 4 réussites. Ok. Bon bah voilà. Du coup, pas forcément même... Ouais, voilà. Ok, très bien. Mokoj, en fouillant le cadavre. Tu remarques que l'anabaptiste avait quelque chose de tatoué dans le dos. J'en sais, entre les vêtements déchirés par ton premier coup d'espadon. Et par curiosité, du coup, tu déchires un petit peu le reste du vêtement pour voir ce que c'est. Et tu remarques en bon, vraiment, c'est assez impressionnant parce que c'est presque, même pour vous, un cliché, mais cette espèce de bandit, du coup, s'était fait tatouer une espèce de carte dans le dos. Ah. Et c'est de prison. Mais c'est ça, et en gros, ça parle d'un. Enfin, il y a des coordonnées géographiques. Bah, tu sors ta carte et tu compares, tu vois que c'est pas super loin d'ici. Ça parle d'un cimetière proche de Féropole. Féropole, globalement, vous en avez déjà entendu parler, c'est très connu. C'est la ville où il y a, en fait, tous les malfrats, les criminels, machin, qu'on chope à justicienne, on les envoie là-bas. C'est une ville, mais c'est en gros une ville. Voilà, bah c'est. ville où ça fout la merde, quoi. C'est vraiment pas la ville. Même Abby oserait pas forcément y aller toute seule, quoi. Parce que même si elle est apocalyptique, c'est vraiment un endroit dangereux. Et voilà, et du coup, ça parle de la, aussi également. Il y a des. Quelqu'un a littéralement utilisé son dos pour comme bloc-notes, quoi. Pour, enfin, ce que je veux dire, en soi, y a le papier ça existe, hein, même dans des Genesis, hein, si tu veux écrire. Et là, c'était dans son dos. Et donc, ça parle de la tombe d'un certain Boyle. Et c'est tout. D'accord. Moko, je suis à gagner 184 lettres de change. Et Rick et moi, on en a gagné 180. Et pour finir, de ton côté, Abby, en fouillant les poches de celui qui avait un stylet tout comme toi, tu vois une série de papiers. Tu les sors, tu commences à regarder, et tu comprends qu'il s'agit d'avis de recherche. Avec nos gueules dessus. Et non, mais il y en a genre, quand je dis avis de recherche, Il y en a plein. De manière globale, c'est-à-dire que genre, il y a littéralement une pile de descriptions de personnes, des fois de groupes, machin. Quoi. Mais, en effet, au bout de l'un d'entre eux parle de vous. Effectivement, écoute, moi sans avoir de photos non plus, mais... Je vais ranger tout ça, et je vais genre prendre ça dans ma sacoche, enfin j'ai un petit sac, un truc du genre. Ouais, et bien sûr. J'en parlerai quand on sera à l'auberge avec Moko et Toric, mais après on sait que de toute façon que la session dernière, ils en avaient parlé, le shérif, qu'il y avait une prime sur nous. C'est ça.